La radiodiffusion française présente, sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, le théâtre et l'université, une émission de Philippe de Chartres. Le jeudi 24 novembre, le Théâtre national populaire a donné une représentation de L'Étourdi, comédie de Molière, que vous allez entendre dans un découpage radiophonique avec la distribution suivante. Lélie, fils de Pandolf, Yves Gasque. Célie, esclave de Truffaldin, Nadine Berger. Mascarille, valet de Lélie, Daniel Sorano. Hippolyte, fille d'Anselme, Christiane Minazzoli. Anselme, père d'Hippolyte, Georges Riquier. Truffaldin, vieillard, Philippe Noiret. Pandolf, père de Lélie, Jean-Paul Moulineau. Léandre, fils de famille, Jean-Pierre Darras. Andrès, cru égyptien, Roger Molien. Ergaste, ami de Mascarille, Coussonneau. Un courrier, André Rousselet. Première troupe de masques, Coussonneau et André Rousselet. Deuxième troupe de masques, Marc et André. Musique de Maurice Jarre, mise en scène de Daniel Sorano. Le débat de la tribune libre de théâtre et université réunira autour de Philippe de Chartres, Léon Chancerelle, président de la Société d'histoire du théâtre, Daniel Sorano, Marcel Giraudet, Robert Monestier, professeur de lettres au lycée Charlemagne, et Pierre Bazin et Daniel Lardreau, élèves de première au lycée Charlemagne. Veuillez écouter tout d'abord un avant-propos de Marcel Giraudet. Pour aimer Molière, il faut être ou très simple ou très érudit. C'est qu'en effet, son rire domine un univers intermédiaire et des personnages dont les uns vivent encore dans un monde de liberté fleuri de toutes les facilités de l'enfance et les autres dans le monde de la servitude consentie, de la prison sociale, adoucie seulement par l'adresse ou par l'habitude. Écouter Molière, aimer Molière, c'est surtout percevoir la voix d'un peuple qui divague et qui se divertit, c'est comprendre d'un seul coup le train de vie d'une foule de gens emportés par l'existence et l'accommodant au mieux de ses intérêts présents et de son instinct. Aussi, qu'allons-nous lui reprocher parfois ? Sa verdeur, son élan vital, sa poésie conquérante, sa critique intérieure d'un monde en danger ? Non, on ramène trop facilement Molière au texte imprimé. Molière vit sur la scène, avec ses fioritures, avec sa philosophie robuste et désenchantée, avec sa secrète blessure, l'illusion dérisoire de la volonté humaine. Dans L'Étourdi, pièce de jeunesse, Molière est déjà tout entier. Ce Mascarille, c'est lui, qui sera toujours retardé par la sottise, le mauvais vouloir, les querelles, les difficultés matérielles, les intrigues des rivaux, les cabales, les importuns. C'est lui aussi, toujours pressé, assailli de nécessité, pourchassé par les obligations immédiates. Philosophie peut-être, mais théâtre et comique sûrement. Au Théâtre national populaire, la mise en scène de Sorano achève la comédie, la fait réelle vraiment. Il prend le texte et, avec ses camarades, il en offre une impeccable démonstration, aidé par les jeux de scène, les pantomimes, appuyé sur une musique intelligente. Ainsi, le spectacle rejoint-il notre intime compréhension du grand génie de Molière. Rompant avec la tradition de Chaillot, Sorano a construit un décor simple et suggestif. Nous sommes à Messine. Le soleil dore les façades ocrées des maisons de part et d'autre de la Seine. Côté jardin, Lélie, côté cour, Truffaldin. Au centre, un puits avec quelques marches, de gracieuses ferronneries le couronnent. De temps à autre, une troupe de musiciens, masqués, passe, accompagnant l'entrée et la sortie des acteurs à la manière d'un ballet. Lélie, l'étourdi, fils du vieillard Pandolphe, est amoureux fou de Célie, une esclave d'Égypte que le barbon Trufaldin tient enfermée. Hélas, pour posséder l'objet de ses feux, Lélie a quatre obstacles à surmonter. L'amour que son rival, Léandre, porte à la belle égyptienne. La jalousie de Trufaldin, qui, tel un dragon, garde sa proie. Son propre père, Pandolphe, qui l'a fiancé à Hippolyte, la fille d'Anselme. Enfin, son manque d'argent. Heureusement que Lélie peut compter sur l'industrie de son valet à tout faire, l'ingénieux et sans scrupules Mascarille. Justement, pendant que Lélie se cache derrière la margelle du puits, Mascarille peut s'approcher du balcon de Célie quand Trufaldin survient. Faites-vous dehors et quel soin vous talonne, vous à qui je défends de parler à personne. Autrefois, j'ai connu cet honnête garçon et vous n'avez pas lieu d'en prendre aucun soupçon. Est-ce là le seigneur Trufaldin? Oui, lui-même. Monsieur, je suis tout vôtre. Et ma joie est extrême de pouvoir saluer en toute humilité un homme dont le nom est partout si vanté. Très humble serviteur. J'incommode, peut-être, mais je l'ai vu ailleurs, où m'ayant fait connaître les grands talents qu'elle a pour savoir l'avenir, je venais sur un point un peu l'entretenir. Quoi, te mêlerais-tu d'un peu de diablerie? Non, tout ce que je sais n'est que blanche magie. Voici donc ce que c'est. Le maître que je sers languit pour un objet qui le tient dans ses fers. Il aurait bien voulu, du feu qui le dévore, pouvoir entretenir la beauté qu'il adore. Mais un dragon, veillant sur ce rare trésor, n'a pu, quoi qu'il ait fait, le lui permettre encore. Et ce qui plus le gêne et le rend misérable, il vient de découvrir un rival redoutable, si bien que, pour savoir si ses soins amoureux ont sujet d'espérer quelques succès heureux, je viens vous consulter, sûr que de votre bouche, je puisse apprendre au vrai le secret qui nous touche. Sous quel astre ton maître a-t-il reçu le jour? Sous un astre, à jamais ne changer son amour. Sans me nommer l'objet pour qui son cœur soupire, la science que j'aime en peut assez instruire. Cette fille a du cœur, et dans l'adversité, elle sait conserver une noble fierté. Elle n'est pas d'humeur à bien faire connaître les secrets sentiments quand son cœur en fait naître. Mais je les sais comme elle. Et d'un esprit plus doux, je vais en peu de mots vous les découvrir tous. Un merveilleux pouvoir de la vertu magique. Si ton maître en ce point de constance se pique et que la vertu seule anime son dessein, il n'appréhende pas de soupirer en vain. Il a lieu d'espérer. Et le fort qu'il veut prendre n'est pas sous-retraité. Et voudra bien se rendre. C'est beaucoup, mais ce fort dépend d'un gouverneur difficile à gagner. C'est là tout le malheur. Au diable le fâcheux qui toujours nous éclaire. Je vais vous enseigner ce que vous devez faire. Cessez, ô Trufaldin, de vous inquiéter. C'est par mon ordre seul qu'il vient vous visiter. Et je voulais envoyer ce serviteur fidèle vous offrir mon service et vous parler pour elle, dont je vous veux dans peu payer la liberté pourvu qu'entre nous deux le prix soit arrêté. La peste soit la peste. Oh, oh, qui des deux croire? Ce discours au premier est fort contradictoire. Monsieur, ce galant homme a le cerveau blessé, ne le savez-vous pas? Je sais ce que je sais. J'ai craint ici-dessous de quelques manigances. Rentrez et ne prenez jamais cette licence. Et vous, filou fiéfé, où je me trompe fort, mettez pour me jouer vos flûtes mieux d'accord. C'est bien fait. Je voudrais qu'encore, sans flatterie, il nous eut d'un bâton chargé de compagnie. À quoi bon se montrer et comme un étourdi me venir démentir de tout ce que je dis? Je pensais faire bien. Oui, c'était fort l'entendre. Mais quoi, cette action ne me doit pas surprendre. Vous êtes si fertile en pareil contretemps que vos écarts d'esprit n'étonnent plus les gens. Oh, mon Dieu! Pour un rien, me voilà bien coupable. Le mal est-il si grand qu'il soit irréparable? Enfin, si tu ne mets Célie entre mes mains, songe au moins de Léandre à rompre le dessein qu'il ne puisse acheter avant moi cette belle. De peur que ma présence encore soit criminelle, je te laisse. Fort bien. À vrai dire, l'argent serait dans notre affaire un sûr et fort agent. Mais ce ressort manquant, il faut user d'un autre. Par mon chef, c'est un siècle étrange que le nôtre. J'en suis confus. Jamais tant d'amour pour le bien et jamais tant de peine à retirer le sien. Les dettes, aujourd'hui, quelques soins qu'on emploie, sont comme les enfants que l'on conçoit en joie et dont avec peine on fait l'accouchement. L'argent, dans une bourse, entre agréablement, mais le terme venu que nous devons le rendre, c'est lors que les douleurs commencent à nous prendre. Baste ! Ce n'est pas peu que 2000 francs dus depuis 2 ans entiers me soient enfin rendus. Encore ? Est-ce un bonheur ? Oh Dieu ! La belle proie a tiré en volant. Il faut que je voie si je pourrais un peu de près le caresser. Je sais bien les discours dont il le faut bercer. Je viens de voir en scène... Et qui ? Votre Nérine. Que dit-elle de moi, cette jante assassine ? Pour vous, elle est de flamme. Et elle ? Et vous aime tant que c'est grande pitié. Que tu me rends content. Peu s'en faut que d'amour la pauvrette ne meure. Anselme, mon mignon, crie-t-elle à toute heure, quand est-ce que l'hymen unira nos deux cœurs et que tu daigneras éteindre mes ardeurs? Mais pourquoi jusqu'ici me les avoir scellées? Les filles, par ma foi, sont bien dissimulées. Mascarille, en effet, qu'en dis-tu? Quoique vieux, j'ai de la mine encore assez pour plaire aux yeux. Oui, vraiment. Ce visage est encore formidable. S'il n'est pas des plus beaux, il est des agréables. Si bien donc. Si bien donc. Qu'elle est sotte de vous, ne vous regarde plus... Quoi? Que comme un époux. Et vous veut. Et me veut. Et vous veut, quoi qu'il tienne, prendre la bourse. La? La bouche, avec la sienne. Oh, je t'entends. Bien ça. Lorsque tu la verras, vante-lui mon mérite autant que tu pourras. Laissez-moi faire. Adieu. Que le ciel te conduit. Ah, vraiment, je faisais une étrange sottise. Et tu pouvais, pour toi, m'accuser de froideur. Je t'engage à servir mon amoureuse ardeur. Je reçois par ta bouche une bonne nouvelle, sans du moindre présent récompenser ton zèle. Tiens, tu te souviendras... Ah non, pas, s'il vous plaît. Laisse-moi. Point du tout, j'agis sans intérêt. Je le sais, mais pourtant... Non, Anselme, vous dis-je. Je suis homme d'honneur, cela me désoblige. Ah, dis donc, Mascarille. Oh, long discours. Je veux régaler par tes mains cet objet de mes vœux. Et je vais te donner de quoi faire pour elle l'achat de quelques bagues. Ou telle bagatelle que tu jugeras bon. Non, laissez votre argent. Sans vous mettre en souci, je ferai le présent. Et l'on m'a mis en main une bague à la mode qu'après, vous payerez. Si cela l'accommode. Soit, donne-la pour moi. Mais surtout... Fais si bien qu'elle garde toujours l'ardeur de me voir sien. À qui la boue? Ah! Dieu! Elle m'était tombée! Et j'aurais, après, cru qu'on me l'eût dérobée! Je vous suis bien tenu de ce soin obligeant, qui m'épargne un grand trouble et me rend mon argent. Je vais m'en décharger au logis tout à l'heure. C'est être officieux et très fort, ou je meurs. Ma foi, sans moi, l'argent était perdu pour lui. Certes. Vous faites rage et payez aujourd'hui d'un jugement très rare et d'un bonheur extrême. Nous avancerons fort, continuez de même. Qu'est-ce donc que je fais? Le sot en bon français, puisque je puis le dire. Et qu'enfin je le dois. Il sait bien l'impuissance où son père nous laisse. Qu'un rival qu'il doit craindre étrangement nous presse. Cependant, quand je tente un coup pour l'obliger, dont je cours moi tout seul, la honte et le danger... Quoi, c'était... Oui, bourreau. C'était pour la captive que j'attrapais l'argent dont votre soin nous prie. S'il est ainsi, j'ai tort. Mais qui l'eût deviné? Il fallait en effet être bien raffiné. Tu me devais par signe avertir de l'affaire. Oui, je devais avoir au dos mon luminaire. Au nom de Jupiter, laissez-nous en repos. Et ne nous chantez plus d'impertinents propos. Un autre après cela laisserait tout, peut-être. Mais... j'avais médité tantôt un coup de maître dont tout présentement je veux voir les effets. À la charge que si... Non, je te le promets, de ne me mêler plus de rien dire ou rien faire. Allez donc, votre vue excite ma colère. Mais surtout, hâte-toi de peur qu'on se descende. Allez, encore un coup. J'y vais mettre la main. Menons bien ce projet. La fourbe sera fine s'il faut qu'elle succède ainsi que j'imagine. Allons voir. Bon, voici mon homme, justement. Mascarille. Monsieur? À parler franchement, je suis mal satisfait de mon fils. De mon maître? Vous n'êtes pas le seul qui se plaigne de l'être. Sa mauvaise conduite, insupportable en tout, mais à chaque moment, ma patience à bout. Je vous croyais pourtant assez d'intelligence ensemble. Moi? Monsieur, perdez cette croyance! Toujours de son devoir, je tâche à l'avertir. Et l'on nous voit sans cesse avoir maille à partir. À l'heure même encore, nous avons eu querelle sur l'hymen d'Hippolyte. Ou je le vois rebelle, ou par l'indignité d'un refus criminel, je le vois offenser le respect paternel. Querelle. Oui, querelle. Et bien avant poussée. Je me trompais donc bien, car j'avais la pensée qu'à tout ce qu'il faisait, tu donnais de la pluie. Moi, voyez ce que c'est que du monde aujourd'hui. Et comme l'innocence est toujours opprimée. Si mon intégrité vous était confirmée, je suis auprès de lui gagé pour serviteur. Vous me voudriez encore payer pour précepteur. Oui, vous ne pourriez pas lui dire davantage que ce que je lui dis pour le faire être sage. Monsieur, au nom de Dieu, lui fais-je assez souvent. Cessez de vous laisser conduire au premier vent. Réglez-vous. Regardez l'honnête homme de paix que vous avez du ciel. Comme on le considère, cessez de lui vouloir donner la mort au cœur, et comme lui, vivez en personne d'honneur. C'est parler comme il faut, et que peut-il répondre? Répondre? Des chansons dont il me vient confondre. Ce n'est pas qu'en effet, dans le fond de son cœur, il ne tienne de vous des semences d'honneur. Mais sa raison n'est pas maintenant la maîtresse. Si je pouvais parler avec hardiesse, vous le verriez d'un peu soumis, sans nul effort. Parle. C'est un secret qui m'importerait fort s'il était découvert. Mais à votre prudence, je puis le confier avec toute assurance. Sachez donc que vos vœux sont trahis par l'amour qu'une esclave imprime à votre fils. On m'en avait parlé, mais l'action me touche de voir que je la prenne encore par ta bouche. Vous voyez si je suis le secret confident. Vraiment, je suis ravi de cela. Cependant, à son devoir, sans bruit, désirez-vous le rendre? Il faut... J'ai toujours peur qu'on nous vienne surprendre. Ce serait fait de moi s'il savait ce discours. Il faut, dis-je, pour rompre à toute chose court, acheter sourdement l'esclave idolâtrée et la faire passer en une autre contrée. Anselme, à grand accès auprès de Truffaldin, qu'il aille l'acheter pour vous dès ce matin. Après, si vous voulez en mes mains la remettre, je connais des marchands et puis bien vous promettre d'en retirer l'argent qu'elle pourra coûter. Et malgré votre fils, de la faire écarter. Car enfin, Si l'on veut qu'Alimène il se range à cet amour naissant, il faut donner le change. C'est très bien raisonné. Ce conseil me plaît fort. Je vois Anselme. Enfin, je m'en vais faire effort pour avoir promptement cette esclave funeste et la mettre en tes mains pour achever le reste. Bon, allons avertir mon maître de ceci. Vive la fourberie et les fourbes aussi. Hélas, il fallait compter sans l'étourderie de Lélie qui, ignorant le stratagème et croyant qu'Anselme voulait l'esclave pour lui, fait échouer la machination. Mascarille, heureusement, a plus d'un tour dans son sac. Il éloigne Pandolphe sous le prétexte d'un trésor caché dans une de ses campagnes. Et pendant ce temps, il fait courir le bruit de sa mort. Anselme, surpris et désolé, ne manquera pas de venir en aide à Lélie et de lui prêter l'argent nécessaire à l'enterrement. Argent qui servira, bien sûr, au rachat de Célie. Anselme, qui tient la nouvelle de Mascarille, n'en croit pas ses oreilles. La nouvelle a sujet de vous surprendre fort. Être mort de la sorte. Il a certes grand homme. Je lui sais mauvais gré de cet incartade. N'avoir pas seulement le temps d'être malade. Non, jamais homme n'est si hâte de mourir. Et Lily, il se bat. Il ne peut rien souffrir. Il s'est fait en main lieu contusions et bosses et veut accompagner son papa dans la fosse. Enfin, pour achever l'excès de ce transport, m'a fait en grande hâte ensevelir le mort, de peur que cet objet, qui le rend hypocondre, à faire un vilain coup, ne me la lasse montre. N'importe, tu devais attendre jusqu'au soir. Outre qu'encore un coup, j'aurais voulu le voir, qui t'ont enseveli, bien souvent assassine. Je vous et le garantis. Et tel est cru des fins, qui n'en a que la mine. Je vous le garantis, trépassé comme il faut. Au reste, pour venir au discours de tantôt, Lélie, et l'action lui sera salutaire, d'un bel enterrement veut régaler son père et consoler un peu ce défunt de son sort par le plaisir de voir faire honneur à sa mort. Il hérite beaucoup, mais comme en ses affaires, il se trouve assez neuf et ne voit encore guère que son bien, la plupart n'est point dans ses quartiers ou que ce qu'il y tient consiste en des papiers. Il voudrait vous prier, ensuite de l'instance d'excuser de tantôt son trop de violence, de lui prêter au moins pour ce dernier devoir. Tu me l'as déjà dit, je m'en vais le voir. Jusque ici, du moins, tout va le mieux du monde. Tâchons à ce progrès que le reste répond. Et de peur de trouver dans le port un écueil, conduisons le vaisseau de la main et de l'œil. Sortons ! Je ne saurais qu'avec douleur très forte le voir empaqueté de cette étrange sorte. Là, en si peu de temps, il vivait ce matin. En peu de temps, parfois, on fait bien du chemin. Ah ! Mais quoi, chère Lélie, enfin, il était homme. On n'a point pour la mort de dispense de Rome. Ah ! Sans leur dire grâce, elle abat les humains et contre eux, de tout temps, a de mauvais desseins. Ah ! Ce fier animal, pour toutes les prières, ne perdrait pas un coup de ses dents meurtrières. Tout le monde y passe. Ah ! Vous aurez beau prêcher, ce deuil enraciné ne se peut arracher. Si, malgré ces raisons, votre ennui persévère, mon cher Lélie, au moins, faites qu'il se modère. Ah ! Comme à ce mousse augmente sa douleur, il ne peut sans mourir songer à ce malheur. Au reste, sur l'avis de votre serviteur, j'apporte ici l'argent qui vous est nécessaire pour faire célébrer les obsèques d'un père. Ah ! Ah ! Comme un semonce augmente sa douleur. Il ne peut sans mourir songer à ce malheur. Je sais que vous verrez au papier du bonhomme que je suis débiteur d'une plus grande somme. Mais quand, pour ces raisons, je ne vous devrai rien, vous pourriez librement disposer de mon bien. Tenez, je suis tout vôtre et le ferai paraître. Ah ! Le grand déplaisir que sent monsieur mon maître. Mascarille ! Je crois qu'il serait à propos qu'il me fît de sa main un reçu de deux mots. Oh, Des événements. L'incertitude est grande. Oh. Faisons-lui signer le mot que je demande. Là, dans l'état qu'il est, comment vous contenter? Donnez-lui le loisir de se désattrister. Et quand ses déplaisirs prendront quelque allégeance, j'aurai soin d'en tirer d'abord votre assurance. Adieu. Je sens mon cœur qui se gonfle d'ennui. Et m'en vais tout mon sou, pleurer avec lui. Ah. Le monde est rempli de beaucoup de traverses. Chaque homme, tous les jours, en ressent de diverses. Et jamais ça. Mon Dieu, je frémis. Randolph qui revient, fut-il bien endormi? Comme depuis sa mort, sa face est amaigrie. Laste! Ne m'approchez pas de plus près, je vous prie. J'ai trop de répugnance à coudoyer à mort. D'où peut-on provenir ce bizarre transport? Dites-moi, de bien loin, quel sujet vous amène? Si pour me dire adieu vous prenez trop de peine, c'est trop de courtoisie. Et véritablement, je me serais passé de votre compliment. Si votre homme est en peine, il cherche des prières. Laste! Je vous en promets. Et ne m'effrayez guère. Foi d'homme épouvanté, je m'en vais à l'instant. Tant priez Dieu pour vous que vous serez content. Disparaissez donc, je vous prie, et que le ciel, par sa bonté, comble de joie et de santé votre défunte seigneurie. Alors, malgré tout mon dépit, il m'y faut prendre part. Là, pour un trépassé, vous êtes bien gaillard. Est-ce jeu, dites-vous, ou bien si c'est folie qui traite de défunt une personne en vie? Hélas, vous êtes mort! Et je viens de vous voir! Quoi? J'aurais trépassé sans m'en apercevoir. Si tout comme Ascari en a dit la nouvelle, j'en ai senti dans l'âme une douleur mortelle. Mais enfin, dormez-vous. Êtes-vous éveillé? Me connaissez-vous pas? Vous êtes habillé d'un corps aérien qui contrefait le vôtre, mais qui dans un moment peut devenir tout autre. Je crains fort de vous voir comme un géant grandir et tout votre visage affreusement laidir. Pour Dieu, ne prenez pas de vilaine figure, j'éprouve de ma frayeur en cette conjoncture. En une autre saison, cette naïveté dont vous accompagnez votre crédulité, Anselme, me serait un charmant badinage, et j'en prolongerais le plaisir davantage. Mais avec cette mort, un trésor supposé, dont parmi les chemins on m'a désabusé, fomente dans mon âme un soupçon légitime. Mascarille est un fourbe. Et fourbe, fourbissime, sur qui ne peuvent rien la crainte et le remords, et qui pour ses desseins a d'étranges ressorts. M'aurait-on joué pièce et fait supercherie? Ah, vraiment, ma raison, vous seriez fort jolie. Touchons un peu pour voir. En effet, eh bien lui. Malpeste du sot que je suis aujourd'hui! De grâce, n'allez point divulguer un tel conte. On en ferait jouer quelque farce à ma honte. Mais Brandolph, aidez-moi vous-même à retirer l'argent que j'ai donné pour vous faire enterrer. De l'argent, dites-vous. Ah, c'est là l'enclouure. C'est là le nœud secret de toute l'aventure. À votre dent. Pour moi, sans m'en mettre en souci, je vais faire informer de cette affaire-ci contre ce Mascarille. Et si l'on peut le prendre, quoi qu'il puisse arriver, je le veux faire pendre. Et moi, la bonne du patron croira vaut rien. Faut-il donc qu'aujourd'hui, je perde et sans, c'est bien. Il me serait bien, allant, de porter tes griffes et d'être encore si prompt à faire une sottise, d'examiner si peu sur un premier rapport. Et je vois maintenant. Avec ce passeport, je puis à Trufaldin rendre aisément visite. À ce que je puis voir, votre douleur vous quitte. Que dites-vous? Jamais elle ne quittera un cœur qui chèrement toujours la nourrira. Je reviens sur mes pas, vous dire avec franchise que tantôt avec vous, j'ai fait une méprise. Que parmi ces louis, quoi qu'il semble très beau, j'en ai, sans y penser, mêlé que je tiens faux. Et j'apporte sur moi de quoi mettre en leur place. De nos faux monnayeurs, l'insupportable audace pullule en cet état d'une telle façon qu'on ne reçoit plus rien qui soit hors de soupçon. Mon Dieu, qu'on ferait bien de les faire tous pendre. Vous me faites plaisir de les vouloir reprendre, mais je n'en ai point vu de faux, comme je crois. Je les connais très bien. Montrez, montrez-les-moi. Est-ce tout? Oui. Tant mieux. Enfin, je vous raccroche mon argent bien-aimé. Rentrez dedans ma poche. Et vous, mon brave escroc, vous ne tenez plus rien. Ah, vous tuez des gens qui se portent fort bien. Et qu'auriez-vous donc fait de moi, chétif propère? Vraiment, je m'en rendrai d'une belle manière. Et j'allais prendre en vous un beau fils fort discret. Allez, allez mourir de honte et de regret. Lélie comprend qu'il vient de commettre une nouvelle bêtise. Et Mascarille, désespéré, jure de l'abandonner. Mais la vue de Léandre, complotant avec Truffaldin l'achat de Célie, aiguillonne l'amour-propre du valet qui ne veut pas s'avouer vaincu. Il imagine sur le champ une nouvelle fourberie et, criant fort, il sort de chez son maître en se frottant les côtes. Aïe! Aïe! À l'aide! Au secours! Au meurtre! On m'assomme! Ou traître! Oh! Où vous donne? D'où procède cela? Qu'est-ce? Que te fait-on? On vient de me donner 200 coups de batte. Et qui? Lélie. Pourquoi? Pour une bagatelle, il me chasse et me bat d'une façon cruelle. Oh! Vraiment, il a tort. Mais où je ne pourrai, où je jure bien fort que je m'en vengerai. Oui, je te ferai voir, batteur que Dieu confond, que ce n'est pas pour rien qu'il faut rouer le monde. Je te le dis encore, je saurai m'en venger. Une esclave te plaît? Tu voulais m'engager à la mettre en tes mains et je veux faire en sorte qu'un autre te l'enlève ou le diable m'emporte. Écoute, Mascarille, et quitte ce transport. Tu m'as plu de tout temps. Et je souhaitais fort qu'un garçon comme toi, plein d'esprit et fidèle, à mon service un jour pût attacher son zèle. Enfin, si le parti te semble bon pour toi, si tu veux me servir, je t'arrête avec moi. Oui, monsieur, d'autant mieux que le destin propice m'offre à me bien venger en vous rendant service. Et que dans mes efforts pour vos contentements, je puis à mon brutal trouver des châtiments. De Célie, en un mot, par mon adresse extrême. Mon amour s'est rendu cet office lui-même. Enflammé d'un objet qui n'a point de défaut, je viens de l'acquérir, moins encore qu'il ne vaut. Quoi, Célie est à vous? Tu la verrais paraître si de mes actions j'étais tout à fait maître. Mais quoi, mon père l'est. Commis la volonté, ainsi que je la prends d'un paquet à portée de me déterminer à l'hymen d'Hippolyte, j'empêche qu'un rapport de tout ceci l'irrite. Donc, avec Truffaldin, car je sors de chez lui, j'ai voulu tout exprès agir au nom d'autrui. Et l'achat fait, ma bague est la marque choisie sur laquelle au premier il doit livrer ses lits. Je cherche auparavant à trouver les moyens d'ôter aux yeux de tous ce qui charme les miens, à trouver promptement un endroit favorable où puisse être en secret cette captive aimable. Hors de la ville un peu, je puis avec raison d'un vieux parent que j'ai vous offrir la maison. Là, vous la pourrez mettre avec toute assurance. Et de cette action, nul n'aura connaissance. Oui, vraiment, tu me fais un plaisir souhaité. Tiens donc, et va pour moi prendre cette beauté. Dès que par Truffaldin ma bague sera vue, aussitôt en tes mains elle sera rendue, et dans cette maison tu me la conduiras. Quand... Mais chut, Hippolyte est ici sur nos pas. Je dois vous annoncer, Léandre, une nouvelle. Mais la trouverez-vous agréable ou cruelle? Pour en pouvoir juger et répondre soudain, il faudrait la savoir. Donnez-moi donc la main jusqu'au temps. En marchant, je pourrai vous la prendre. Va, va-t'en me servir sans davantage attendre. Oui, je vais te servir d'un plat de ma façon. Fut-il jamais au monde un plus heureux garçon? Après ce rare exploit, je veux que l'on s'apprête à me peindre en héros. Un laurier sur la tête, et qu'au bas du portrait, on mette en lettres d'or « Vivat Mascarius, Fourbom Imperator !» Oula ! Que voulez-vous ? Cette bague connue vous dira le sujet qui cause ma venue. Oui, je reconnais bien la bague que voilà. Je vais guérir l'esclave. Arrêtez un peu là. Seigneur, obligez-moi de m'enseigner un homme. Et qui ? Je crois que c'est Trufaldin qu'il se nomme. Et que lui voulez-vous ? Vous le voyez ici. Lui rendre seulement la lettre que voici. Le ciel, dont la bonté prend souci de ma vie, vient de me faire ouïr par un bruit assez doux que ma fille, à 4 ans par des voleurs ravis, sous le nom de Célie, est esclave chez vous. Si vous suivez jamais ce que c'est qu'être père, et vous trouvez sensible aux tendresses du sang, conservez-moi chez vous cette fille si chère, comme si de la vôtre elle tenait le rang. Pour l'aller retirer, je pars d'ici moi-même, et vous vais de vos soins récompenser si bien que par votre bonheur que je veux rendre extrême, vous bénirez le jour où vous causez le mien. De Madrid, Don Pedro de Guzmán, marquis de Montalcan. Un seul moment plus tard, tous vos pas étaient vains. J'allais mettre à l'instant cette fille en ses mains. Mais suffit, j'en aurai tous les soins qu'on désire. Vous-même, vous voyez ce que je viens de lire. Vous direz à celui qui vous a fait venir que je ne lui saurais ma parole tenir qu'il vienne retirer son argent. Mais l'outrage que vous lui faites... Ah ! Sans causer davantage. Le fâcheux paquet que nous venons d'avoir. Le sort a bien donné la baille à mon espoir. Eh bien, la malheur est-il venu d'Espagne, ce courrier, que la foudre ou la grêle accompagne. Jamais, certes, jamais plus beau commencement n'eut en si peu de temps plus triste événement. Quel beau transport de joie à présent vous inspire. Laisse-moi en rire encore avant que te le dire. Ça, rions donc bien fort, nous en avons sujet. Je ne serai plus de tes plaintes l'objet. Tu ne me diras plus, toi qui toujours me cries, que je gâte en brouillon toutes tes fourberies. J'ai bien joué moi-même un tour des plus adroits. Il est vrai, je suis prompt et m'emporte parfois. Mais pourtant, quand je veux, j'ai l'imaginative aussi bonne en effet que personne qui vive. Et toi-même avoueras que ce que j'ai fait part d'une pointe d'esprit ou peu de monde à part. Sachons donc ce qu'a fait cet imaginatif. Tantôt, l'esprit ému d'une frayeur bien vive d'avoir vu Trufaldin avec mon rival, je songeais à trouver un remède à ce mal lorsque, me ramassant tout entier en moi-même, j'ai conçu, digéré, produit un stratagème auprès duquel les tiens dont tu fais tant de cas doivent sans contredit mettre pavillon bas. Mais qu'est-ce ? Oh, s'il te plaît, donne-moi patience. J'ai donc faim. Une lettre. Avec diligence. Comme d'un grand seigneur écrit à Trufaldin. Qui mande, qu'ayant su par un heureux destin, qu'une esclave qu'il tient sous le nom de Célie est sa fille. Autrefois, par des voleurs avis, il veut la venir prendre, et le conjure au moins de la garder toujours, de lui rendre des soins, qu'à ce sujet, il part d'Espagne et veut, pour elle, par de si grands présents, reconnaître son zèle, qu'il n'aura point regret de causer son bonheur. Fort bien. Écoute donc, voici bien le meilleur. La lettre que je dis a donc été remise, mais sais-tu bien comment ? En saison si bien prise, que le porteur m'a dit que sans ce trèfle à l'eau, un homme l'emmenait qui se trouvait fort sot. Vous avez fait ce coup sans vous donner au diable. Oui. D'un tour si subtil, m'aurais-tu cru capable? Loue au moins mon adresse et la dextérité dont je ronde un rival le dessin concerté. À vous pouvoir louer selon votre mérite, je manque d'éloquence et ma force est petite. Oui, pour bien étaler cet effort relevé, ce bel exploit de guerre à nos yeux achevé, ce grand et rare effet d'une imaginative qui ne le cède point à personne qui vive, ma langue est impuissante. Et je voudrais avoir celle de tous les gens du plus heureux savoir pour vous dire en beau vers ou bien en docte prose que vous serez toujours, quoi que l'on se propose, tout ce que vous avez été durant vos jours, c'est-à-dire un esprit chaussé tout à rebours, une raison malade et toujours en débauche, un envers du bon sens, un jugement à gauche, un brouillon, une bête, un brusque, un étourdi, que sais-je, un cent fois plus encore que je ne dis, c'est faire en abrégé votre panégyrie. Apprends-moi le sujet qui contre moi te pique, et je fais quelque chose, éclaircis-moi ce point. Non, vous n'avez rien fait, mais ne me suivez point. Je suivrai partout pour savoir ce mystère. Oui, sus donc, préparez vos jambes à bien faire, car je vais vous fournir de quoi les exercer. Il m'échappe. Oh, malheur qui ne se peut forcer. Au discours qu'il m'a fait, que saurais-je comprendre? Et quel mauvais appui saurais-je pu me rendre? Pendant que les masques traversent la place, Mascarille marche de long en large, en proie à une grande agitation. Il semble réfléchir profondément. Ma bonté, cessez votre entretien. Vous êtes une sotte et je n'en ferai rien. Oui, vous avez raison, mon courroux, je l'avoue. Relier tant de fois ce qu'un brouillon dénoue, c'est trop de patience. Et je dois en sortir après de si beaux coups qu'il a su divertir. Mais aussi, raisonnons un peu sans violence. Si je suis maintenant ma juste impatience, on dira que je cède à la difficulté, que je me trouve à bout de ma subtilité. Et que deviendra alors cette publique estime qui te vante partout pour un fourbe sublime, et que tu t'es acquise en tant d'occasions à ne t'être jamais vu court d'invention. L'honneur, ô Mascarille, est une belle chose. À tes nobles travaux, ne fais aucune pause. Et quoi qu'un maître ait fait pour te faire enrager, achève pour ta gloire et non pour l'obliger. Et s'il poursuit encore à rompre notre chance, j'y consens. Ôtons-lui toute notre assistance. Cependant, notre affaire encore n'irait pas mal si par là nous pouvions perdre notre rival et que Léandre, enfin, lassé de sa poursuite, nous laissa jour entier pour ce que je médite. Oui, je roule en ma tête un trait ingénieux dont je promettrai bien un succès glorieux si je puis n'avoir plus cet obstacle à combattre. Bon, voyons si son feu se rend opiniâtre. Donc, Mascarille, pour détourner Léandre de son projet d'épouser Célie, lui peint la belle sous les traits d'une dame de petite vertu dont toute la ville connaît les aventures galantes. Léandre, froissé dans son amour propre, est fort déconfit quand Lélie, le voyant songeur, l'aborde. Du chagrin qui vous tient, quel peut être l'objet ? Moi ? Vous-même. Pourtant, je n'en ai point sujet. Je vois bien ce que c'est. Célie en est la cause. Mon esprit ne court pas après si peu de choses. Pour elle, vous aviez pourtant de grands desseins, mais il faut dire ainsi lorsqu'il se trouve vain. Si j'étais assez sot pour chérir ses caresses, je me moquerais bien de toutes vos finesses. Quelle finesse, donc ? Mon Dieu, nous savons tout. Quoi ? Votre procédé de l'un à l'autre bout. C'est de l'hébreu pour moi, je n'y puis rien comprendre. Feignez si vous voulez de ne me point entendre, mais croyez-moi, cessez de craindre pour un bien, ou je serai fâché de vous disputer rien. J'aime fort la beauté qui n'est point profanée et ne veut point brûler pour une abandonnée. Tout bon, Léandre. Ah, que vous êtes bon. Allez, vous dis-je encore, servez-la sans soupçon. Vous pourrez vous nommer homme à bonne fortune. Sa beauté, il est vrai, n'est pas des plus communes, mais en revanche aussi, le reste est fort commun. Léandre, arrêtons là ce discours importun. Contre moi, tant d'efforts qu'il vous plaira pour elle. Mais surtout, retenez cette atteinte mortelle. Sachez que je m'impute à trop de lâcheté d'entendre mal parler de ma divinité et que j'aurai toujours bien moins de répugnance à souffrir votre amour qu'un discours qui l'offense. Ce que j'avance ici me vient de bonne part. Quiconque vous l'a dit est un lâche, un pandard. On ne peut imposer de tâche, cette fille. Je connais bien son cœur. Mais enfin, Mascarille, d'un semblable procès, est juge compétent. C'est lui qui la condamne. Oui. Lui-même. Il prétend d'une fille d'honneur insolemment médire et que peut-être encore je ne ferai qu'en rire. Gage qu'il se délie. Et moi, gage que non. Parbleu, je le ferais mourir sous le bâton s'il m'avait soutenu des faussetés pareilles. Moi, je lui couperais sur le champ les oreilles s'il n'était pas garant de tout ce qu'il m'a dit. Ah, bon, bon. Le voilà. Venez ça. Chien maudit. Quoi ? Langue de serpent. Fertile en imposture, vous osez sur Célie attacher vos morsures et lui calomnier la plus rare vertu qui puisse faire éclat sous un sort abattu. Doucement, ce discours est de mon industrie. Non, non ! Point de clin d'œil et point de raillerie. Je suis aveugle à tout, sourd à quoi que ce soit. Fût-ce mon propre frère, il me le payera. Et sur ce que j'adore, oser porter le blâme. C'est me faire une plaie au plus tendre de l'âme. Tous ces signes sont vains. Quel discours as-tu fait ? Mon Dieu ! Ne cherchons point querelle ou je m'en vais. Tu n'échapperas pas. Ah. Parle donc, confesse. Laissez-moi, je vous dis que c'est un tour d'adresse. Dépêche, qu'as-tu dit ? Vide entre nous ce point. J'ai dit ce que j'ai dit, ne vous emportez point. Oh, je vous ferai bien parler d'une autre sorte. Ah, retenez l'ardeur qui vous emporte. Fut-il jamais au monde un esprit moins sensé ? Laissez-moi contenter mon courage offensé. C'est trop que de vouloir le battre en ma présence. Quoi ? Châtier mes gens n'est pas en ma puissance. Comment vos gens ? Encore, il va tout découvrir. Quand j'aurai volonté de le battre à mourir, eh bien, c'est mon valet. C'est maintenant le nôtre. Le trait est admirable. Et comment donc le vôtre ? Sans doute. Doucement. Hein ? Que vas-tu compter ? Ah, le double bourreau qui me va tout gratter et qui ne comprend rien à quelques signes qu'on donne. Rêvez bien, Léandre, et me la baille est bonne. Il n'est pas mon valet. Pour quelque mal commis, hors de votre service, il n'a pas été mis. Je ne sais ce que c'est. Et plein de violence, vous n'avez pas chargé son dos avec outrance ? Pas du tout. Moi, l'avoir chassé, oui, de coup. Vous vous moquez de moi, Léandre, ou lui, de vous. Pousse, pousse, bourreau, tu fais bien tes affaires. Les coups de bâton ne sont qu'imaginaires. Il ne sait ce qu'il dit, sa mémoire. Non, non. Tous ces signes pour toi ne disent rien de bon. Oui, d'un tour délicat, mon esprit te soupçonne. Mais pour l'invention, va, je te la pardonne. C'est bien assez pour moi qui m'a désabusé de voir par quel motif tu m'avais imposé. Et que m'étant commis à ton zèle hypocrite, à si bon compte encore, je m'en sois trouvé quitte. Ceci doit s'appeler un avis au lecteur. Adieu, Lélie. Adieu. Très humble serviteur. Courage, mon garçon. Toute heure nous accompagne. Mettons flamberge au vent et bravoure en campagne. Faisons le Librius, l'Oxyseur d'innocents. Il t'avait accusé de discours médisant contre... Et vous ne pouviez souffrir mon artifice. Lui laisser son erreur qui vous rendait service. Et par qui son amour s'en était presque allé. Non. Il a l'esprit franc et point dissimulé. Enfin, chez son rival, je manque avec adresse. Cette fourbe en mes mains va mettre sa maîtresse. Il me l'a fait manquer avec de faux rapports. Je veux de son rival alentir les transports. Mon brave incontinent vient qui le désabuse. J'ai beau lui faire signe et montrer que c'est ruse, point d'affaire. Il poursuit sa pointe jusqu'au bout et n'est pas satisfait qu'il n'ait découvert tout. Grand et sublime effet d'une imaginative qui ne cède en vigueur à personne qui vit. Je ne m'étonne pas si je romps tes attentes. À moins d'être informé des choses que tu tentes, j'en ferais encore cent de la sorte. Tant pis. Au moins, pour t'emporter à de justes dépits, fais-moi dans tes dessins entrer de quelque chose. Mais que de leur ressort la porte me soit close, c'est ce qui fait toujours que je suis pris sans verre. Je crois que vous seriez un maître d'armes expert. Vous savez à merveille, en toutes aventures, prendre les contretemps et rompre les mesures. Eh bien, la chose est faite, il n'y faut plus penser. Mon rival, en tout cas, ne peut me traverser. Et pourvu que tes soins, en qui je me repose... Laissons là ce discours. Et parlons d'autre chose. Je ne m'apaise pas, non, si facilement. Je suis trop en colère. Il faut premièrement me rendre un bon office. Et nous verrons ensuite si je dois de vos feux reprendre la conduite. S'il ne tient qu'à cela, je n'y résiste pas. As-tu besoin, dis-moi, de mon sang, de mes bras? De quelle vision sa cervelle est frappée? Vous êtes de l'humeur de ces amis d'épée que l'on trouve toujours plus prompts à dégainer qu'à tirer un téton, s'il fallait le donner. Que puis-je donc pour toi? C'est que de votre père, il faut absolument apaiser la colère. Nous avons fait la paix. Oui, mais non pas pour nous. Je l'ai fait ce matin mort pour l'amour de vous. Le bonhomme, tout vieux, chérit fort la lumière. Et ne veut point de jeu dessus cette matière. Il craint le pronostic. Et contre moi fâché, on m'a dit qu'en justice, il m'avait recherché. Car enfin, la vertu n'est jamais sans envie. Et dans ce maudit siècle, est toujours poursuivi. Allez donc le fléchir. Oui, nous le fléchirons. Mais aussi tu promets... Ah, mon Dieu, nous verrons. Ma foi, prenons haleine après tant de fatigue. Cessons pour un moment le cours de nos intrigues et de nous tourmenter de même qu'un lutin. Léandre, pour nous nuire, est hors de garde enfin. Et Célie, arrêtée avec l'artifice. Je te cherchais partout pour te rendre un service, pour te donner avis d'un secret important. Quoi donc? N'avons-nous point ici quelque écoutant? Non. Nous sommes amis autant qu'on le peut être. Je sais bien tes desseins. Et l'amour de ton maître. Songez à vous tantôt. Léandre fait partie pour enlever Célie. Et je suis averti qu'il a mis ordre à tout. Et qu'il se persuade d'entrer chez Truffaldin par une mascarade. Ayant su qu'en ce temps, assez souvent le soir, des femmes du quartier en masque l'allaient voir. Oui, suffit. Il n'est pas au comble de sa joie. Je pourrais bien tantôt lui souffler cette proie. Et contre cet assaut, je suis un coup fourré par qui je veux qu'il soit de lui-même enferré. Il ne sait pas les dons dont mon âme est pourvue. Adieu. Nous boirons pinte à la première vue. Il faut tirer à nous ce que d'heureux pourrait avoir en soi ce projet amoureux. Et par une surprise adroite et non commune, sans courir le danger, en tenter la fortune. Si je vais me masquer pour devancer ses pas, Léandre assurément ne nous bravera pas. Et là, premier que lui, si nous faisons la prise, il aura fait pour nous les frais de l'entreprise. Ce ne se point commettre à faire de l'éclat et tirer les marrons de la patte du chat. Allons donc nous masquer avec quelques bons frères. Pour prévenir nos gens, il ne faut tarder guère. Je sais où gît le lièvre. Et me puissant travail, fournir en un moment d'hommes et d'attirail. Croyez que je mets bien mon adresse en usage. Si j'ai reçu du ciel les fourbes en partage, je ne suis point au rang de ces esprits mal nés qui cachent les talents que Dieu leur a donnés. Il serait en danger avec sa mascarade. Il n'est rien plus certain. Quelqu'un de sa brigade ayant de ce dessin instruit sans m'arrêter à ma série, lors j'ai couru tout compter. Qui s'en va, m'a-t-il dit, rompre cette partie par une invention dessus le champ bâti. Et comme je vous ai rencontré par hasard, j'ai cru que je devais de tout vous faire part. Tu m'obliges par trop avec cette nouvelle. Oui. Va, je reconnaîtrai ce service fidèle. Mon drôle, assurément, leur jouera quelques traits. Mais je veux, de ma part, seconder son projet. Il ne sera pas dit qu'en un fait qui me touche, je ne me sois non plus remué qu'une souche. Voici l'heure. Ils seront surpris à mon aspect. Fouin que n'ai-je avec moi pris mon porte-respect. Mais vienne qui voudra contre notre personne, j'ai deux bons pistolets et mon épée est bonne. Voilà, quelqu'un, un mot. Qu'est-ce qui me vient voir? Fermez soigneusement votre porte ce soir. Pourquoi? Certaines gens font une mascarade pour venir vous donner une fâcheuse aubade. Ils veulent enlever votre cellule. Oh Dieu! Et sans doute, bientôt, ils viennent dans ces lieux. Demeurez, vous pourrez voir tout de la fenêtre. Eh bien, qu'avais-je dit? Les voyez-vous paraître? Chut! Je veux, à vos yeux, leur en faire l'affront. Nous allons voir beau jeu, si la corde en aura. Oh, les plaisants robins qui pensent me surprendre! Masque! Où courez-vous? Le pourrait-on apprendre? Ouvrez l'heure, Torufalda, pour jouer un moment! Bon Dieu, qu'elle est jolie! Et qu'elle a l'air mignon! Et quoi vous murmurez? Mais sans vous faire outrage, peut-on lever le masque et voir votre visage? Allez, fourbe méchant, retirez-vous d'ici, canaille! Et vous, seigneur, bonsoir et grand merci! Ascarille, est-ce toi? Nenni dit, c'est quelque autre. Et là, quelle surprise et quel sort est le nôtre? L'aurais-je deviné, n'étant point averti des secrètes raisons qui t'avaient travesti? Malheureux que je suis d'avoir dessous ce masque été sans y penser de faire cette frasque. Il me prendrait envie en ce juste courroux de me battre moi-même et me donner 100 coups. Adieu, sublime esprit, rare imaginative. Ah, si le ton secours, ta colère, à quelle somme pourrais-je? Au grand diable d'enfer. Ah, si ton cœur pour moi n'est de bronze ou de fer, qu'encore un coup du moins mon imprudence est grâce, s'il faut, pour l'obtenir, que tes genoux j'embrasse, vois-moi ta rage. Allons, camarades, allons, j'entends venir des gens qui sont sur nos talons. Oh! l'ambassade masquée de Léandre n'a guère eu plus de succès que celle de Lélie. Il a dû fuir avec ses acolytes sous les sarcasmes de Truffaldin. Mais bientôt, dansant un plaisant ballet, les masques de la troupe de Lélie lui apportent tour à tour un long manteau vert, un couvre-chef en forme d'énorme citrouille, des babouches roses et une fausse barbe. Et Lélie apparaît à la grande joie de Mascarille, déguisée en marchand arménien. Vous me la fagotez d'une plaisante sorte. Tu ranimes par là mon espérance morte. Toujours de ma colère, on me voit revenir. J'ai beau jurer, pester, je ne m'en puis tenir. Aussi, crois si jamais je suis dans la puissance que je serai content de ma reconnaissance et que quand je n'aurai qu'un seul morceau de pain... Basta. Songez à vous dans ce nouveau dessein. Au moins, si l'on vous voit commettre une sottise, vous n'imputerez plus l'erreur à la surprise. Votre rôle en ce jeu, par cœur, doit être su. Mais comment Truffaldin, chez lui, t'a-t-il reçu ? D'un zèle simulé, j'ai bridé le bon sire. Avec empressement, je suis venu lui dire, s'il ne songeait à lui, que l'on le surprend droit, que l'on couchait en joue, et de plus d'un endroit, celle dont il a vu qu'une lettre en avance avait si faussement divulgué la naissance. De là, moralisant, j'ai fait de grands discours sur les fourbes qu'on voit ici-bas tous les jours. Que pour moi, l'un du monde et de sa vie infâme, je voulais travailler au salut de mon âme. À m'éloigner du trouble et pouvoir longuement, près de quelque honnête homme, être paisiblement. Et que même à tel point il m'avait su ravir, que sans lui demander gage pour le servir, je mettrais en ses mains, que je tenais certaines, quelques biens de mon père et le fruit de mes peines, dont avenant que Dieu de ce monde m'ôta, j'entendais tout de bon que lui seul hérita. C'était le vrai moyen d'acquérir sa tendresse. Mais comme pour résoudre avec votre maîtresse des biais qu'on doit prendre à terminer vos vœux, je voulais en secret vous aboucher tous deux. Lui-même a su m'ouvrir une voie assez belle de pouvoir hautement vous loger avec elle, venant m'entretenir d'un fils privé du jour, dont cette nuit, en songe, il a vu le retour. À ce propos, voici l'histoire qu'il m'a dite et sur qui j'ai tantôt notre fourbe construite. C'est assez, je sais tout, tu me l'as dit deux fois. Oui. Oui, mais quand j'aurai passé jusque à trois, peut-être encore qu'avec toute sa suffisance, votre esprit manquera dans quelques circonstances. Mais à temps différé, je me fais de l'effort. Ah, de peur de tomber, ne courons pas si fort. Voyez-vous, vous avez la caboche un peu dure. Rendez-vous affermi dessus cette aventure. Autrefois, Truffaldin de Naples est sorti et s'appelait alors Zanobio Ruberti. Un parti qui causa quelque émeute civile, dont il fut seulement soupçonné dans la ville. De fait, il n'est pas homme à troubler un état. L'obligea d'en sortir une nuit sans éclat. Une fille, fort jeune, et sa femme, laissée, à quelque temps de là, se trouvant trépassée, il en eut la nouvelle. Et dans ce grand ennui, voulant dans quelque ville emmener avec lui, outre ses biens, l'espoir qui restait de sa race, un sien fils écolier, qui s'appelait Horace. Il écrit à Bologne, où, pour mieux être instruit, un certain maître Albert, jeune, l'avait conduit. Mais pour se joindre tous, le rendez-vous qu'il donne, durant 2 ans entiers, ne lui fit voir personne. Si bien que, les jugeant mort après ce temps-là, Il vint dans cette ville et prit le nom qu'il a, sans que de cet Albert ni de ce fils Horace, 12 ans et découvert jamais la moindre trace. Voilà l'histoire en gros, redite seulement afin de vous servir ici de fondement. Maintenant, vous serez un marchand d'Arménie qui les aurait vus saints, l'un et l'autre, en Turquie. Vous leur aurez ouï leur disgrâce comptée et leur aurez fourni de quoi se racheter. Mais que, parti plus tôt, pour chose nécessaire, Horace vous chargea de voir ici son père, dont il a su le sort, et chez qui vous devez attendre quelques jours qu'il serait arrivé. Je vous ai fait tantôt des leçons étendues. Ces répétitions ne sont que superflues. Dès l'abord, mon esprit a compris tout le fait. Je m'en vais là-dedans donner le premier trait. Écoute, Pascarille, un seul point me chagrine. S'il allait de son fils me demander la mine. Belle difficulté. Devez-vous pas savoir qu'il était fort petit alors qu'il l'a pu voir? Et puis, outre cela, le temps et l'esclavage pourraient-ils pas avoir changé tout son visage? Il est vrai. Mais dis-moi, s'il connaît qu'il m'a vu, que faire? De mémoire, êtes-vous dépourvu? Nous avons dit tantôt qu'outre que votre image avait dans son esprit pu faire qu'un passage pour ne vous avoir vu que durant un moment, et le poil et l'habit déguisaient grandement. Fort bien. Mais, à propos, cet endroit de Turquie... Tout vous dis-je est égal. Turquie ou Barbarie. Mais le nom de la ville où j'aurais pu les voir... Tunis. Il me tiendra, je crois, jusqu'au soir. La répétition, dit-il, est inutile. Et j'ai déjà nommé 12 fois cette ville. Va, va-t'en commencer, il ne me faut plus rien. Au moins, soyez prudent. Et vous conduisez bien. Ne donnez point ici de l'imaginatif. Laisse-moi gouverner que ton âme est craintive. Horace, dans Bologne, écolier. Truffaldin, Zanobio, Ruberti, dans Naples, citadin. Le précepteur, Albert. Ah, c'est me faire honte que de me t'en prêcher. Suis-je un sot à ton compte? Non, pas du tout. Mais bien quelque chose approchant. Quand il m'est inutile, il fait le chien couchant. Mais parce qu'il sent bien le secours qu'il me donne... Sa familiarité, jusque-là, s'abandonne. Je vais être de près, éclairé des beaux yeux dont la force m'impose un joug si précieux. Je m'en vais sans obstacle, avec des traits de flamme, peindre à cette beauté les tourments de mon âme. Je saurai quel arrêt je dois. Allez, voici. Sois béni, juste ciel, de mon sort adouci. C'est à vous de rêver et de faire des songes, puisqu'en vous, il est faux que songes sont mensonges. Quel bien, quelle grâce vous rendrai-je, Seigneur? Vous, que je dois nommer l'ange de mon bonheur. Ce sont soins superflus et je vous en dispense. J'ai, je ne sais pas où, vu quelque ressemblance de cet Arménien. C'est ce que je disais. Mais on voit des rapports admirables parfois. Vous avez vu ce fils où mon espoir se fonde? Oui, Seigneur Truffaldin, le plus gaillard du monde. Il vous a dit sa vie et parlé fort de moi. Plus de 10 000 fois. Quelque peu moins, je crois. Il vous a dépeint tel que je vous vois paraître, le visage, le port... Cela pourrait-il être si, lorsqu'il m'a pu voir, il n'avait que 7 ans? Et si son précepteur même, depuis ce temps, aurait peine à pouvoir connaître mon visage? Le sang, bien autrement, conserve cette image. En des traits si profonds, ce portrait est tracé que mon père... Suffit! Où l'avez-vous laissé? En Turquie, à Turin! Turin! Mais cette ville est, je pense, en Piémont. Oh, cerveau malhabile. Vous ne l'entendez pas. Il veut dire Tunis. Et c'est en effet là qu'il laissa votre fils. Mais ces Arméniens ont tous une habitude. Certains vices de langue, à nous autres fort rudes. C'est que, dans tous les mots, ils changent Nice en Rhin. Et pour dire Tunis, il prononce Turin. Il fallait pour l'entendre avoir cette lumière. Quel moyen, vous dit-il, de rencontrer son père? Voyez s'il répondra. Je repassais un peu quelques leçons d'escrime. Autrefois, en ce jeu, il n'était point d'adresse à mon adresse égale. Et j'ai battu le fer en maintes et maintes, ça... Mais ce n'est pas maintenant ce que je veux savoir. Quel autre nom dit-il que je devais avoir? Ah, Seigneur Zanobio Ruberti, quelle joie est celle maintenant que le ciel vous envoie? C'est là votre vrai nom, et l'autre est emprunté. Mais où vous a-t-il dit qu'il reçut la clarté? Naples est un séjour qui paraît agréable, mais pour vous, ce doit être un lieu fort haïssable. Dans Naples, son destin a commencé son cours. Où l'envoyais-je jeune et sous quelle conduite? Ce pauvre maître Albert a beaucoup de mérite d'avoir depuis Bologne accompagné ce fils que, à sa discrétion, vos soins aviez commis. Ah! Nous sommes perdus si cet entretien dure. Je voudrais bien savoir de vous leur aventure. Sur quel vaisseau? Le sort qui m'a su travailler. Oh! Je ne sais ce que c'est. Je ne fais que bailler. Mais, Seigneur Trufaldin, songez-vous que peut-être ce monsieur l'étranger a besoin de repaître et qu'il est tard aussi. Pour moi, point de repas. Ah, vous avez plus faim que vous ne pensez pas. Entrez donc. Après vous. Monsieur, en Arménie, les maîtres du logis sont sans cérémonie. Pauvre esprit, pas deux mots. D'abord, il m'a surpris. Mais n'appréhende plus, je reprends mes esprits et m'en vais débiter avec hardiesse. Voici votre rival qui ne sait pas la pièce. Arrêtez-vous, Léandre! Et souffrez un discours qui cherche le repos et l'honneur de vos jours. Je ne vous parle point en père de ma fille, en homme intéressé pour ma propre famille, mais comme votre père, ému pour votre bien, sans vouloir vous flatter ni vous déguiser rien. Bref, comme je voudrais, d'une âme franche et pure, que l'on fit à mon sang en pareille aventure. Savez-vous de quel œil chacun voit cet amour qui, dedans une nuit, vient d'éclater au jour? À combien de discours et de traits de risée votre entreprise d'hier est partout exposée. Quel jugement on fait du choix capricieux qui, pour femme, dit-on, vous désigne en ces lieux un rebut de l'Égypte, une fille coureuse, de qui le noble emploi n'est qu'un métier de gueuse. J'en ai rougi pour vous, encore plus que pour moi, qui me trouve compris dans l'éclat que je vois. Moi, dis-je, dont la fille, à vos ardeurs promise, ne peut, sans quelque affront, souffrir qu'on la méprise. Oh, Léandre! Sortez de cet abaissement! Ouvrez un peu les yeux sur votre aveuglement. Si notre esprit n'est pas sage à toutes les heures, les plus courtes erreurs sont toujours les meilleures. Quand on ne prend en dot que la seule beauté, le remords est bien près de la solennité. Et la plus belle femme a très peu de défense contre cette tiédeur qui suit la jouissance. Je vous le dis encore! Ces bouillants mouvements, ces ardeurs de jeunesse et ces emportements nous font trouver d'abord quelques nuits agréables. Mais ces félicités ne sont guère durables. Et notre passion, alentissant son cours, après ces bonnes nuits, donne de mauvais jours. De là viennent les soins, les soucis, les misères, les fils déshérités par le courroux des pères. Dans tout votre discours, je n'ai rien écouté. Que mon esprit déjà ne m'est représenté, je sais ce que je dois à cet honneur insigne que vous me voulez faire et dont je suis indigne, et vois malgré l'effort où je suis combattu ce que vaut votre fille et quelle est sa vertu. Aussi veux-je tâcher. On ouvre cette porte, retirons-nous d'ici de crainte qu'il n'en sorte quelque secret poison dont vous seriez surpris. Bientôt de notre fourbe, on verra le débris si vous continuez des sottises si grandes. Dois-je éternellement ouïr tes réprimandes? De quoi peux-tu te plaindre? Ai-je pas réussi en tout ce que j'ai dit depuis... Koussi, Koussi, témoins les Turcs, par vous appelés hérétiques, et que vous assurez par serments authentiques adorer pour leur Dieu la lune et le soleil. Pense! Ce qui me donne un dépit non pareil, c'est qu'ici votre amour étrangement s'oublie. Près de ces lits, il est ainsi que la bouillie qui, par un trop grand feu, s'enfle, croît jusqu'au bord et de tous les côtés se répand au-dehors. Doit-on se forcer à plus de retenue? Je ne l'ai presque point encore entretenue. Oui, mais ce n'est pas tout que de ne parler pas. Par vos gestes, durant un moment de repas, vous avez au soupçon donné plus de matière que d'autres ne feraient dans une année entière. Et comment donc? Comment? Chacun a pu le voir. À table, où Truffaldin l'oblige de ce soir, vous n'avez toujours fait qu'avoir les yeux sur elle. Rouge, tout interdit, jouant de la prunelle, sans jamais prendre garde à ce qu'on vous servait. Vous n'aviez point de soif qu'alors qu'elle buvait. Et dans ses propres mains, vous saisissant du verre, sans le vouloir rincer, sans rien jeter à terre, vous buviez sur son reste et montriez d'affecter le côté qu'à sa bouche elle avait su porter. Sur les morceaux touchés de sa main délicate ou mordus de ses dents, vous étendiez la patte plus brusquement qu'un chat dessus une souris et les avaliez tous ainsi que des pois gris. Puis, outre tout cela, vous faisiez sous la table un bruit, un tric-trac de pieds insupportable, dont Truffaldin, heurté par deux coups trop pressants, a puni par deux fois deux chiens très innocents qui, s'ils eussent osé, vous eussent fait querelle. Et puis, après cela, votre conduite est belle. Pour moi, j'en ai souffert la gêne sur mon corps. Malgré le froid, je sue encore de mes efforts. Attaché dessus vous comme un joueur de boule, après le mouvement de la sienne qui roule, je pensais retenir toutes vos actions en faisant de mon corps mille contorsions. Mon Dieu! Il t'est aisé de condamner des choses dont tu ne ressens point les agréables causes. Je veux bien néanmoins, pour te plaire une fois, faire force à l'amour qui m'impose des lois. Désormais... Nous parlions des fortunes d'Ara. C'est bien fait! Cependant, me ferez-vous la grâce que je puisse lui dire un seul mot, en secret? Il faudrait autrement être fort indiscret. Écoute, sais-tu bien ce que je viens de faire? Non, mais si vous voulez, je ne tarderai guère, sans doute, à le savoir. D'un chêne grand et fort, dont près de 200 ans ont déjà fait le sort, je viens de détacher une branche admirable, choisie expressément de grosseur raisonnable, dont j'ai fait sur le champ avec beaucoup d'ardeur un bâton à peu près, oui, de cette grandeur, moins gros par l'un des bouts, mais plus que 30 gaules, propre comme je pense à rosser les épaules, car il est bien en main, vert, noueux et massif. Mais pour qui, je vous prie, un tel préparatif? Pour toi, premièrement, puis pour ce bon apôtre qui veut m'en donner d'une et m'en jouer d'une autre, pour cet Arménien, ce marchand déguisé. Quoi, vous croyez ça? Ne cherche point d'excuses. Lui-même, heureusement, a découvert sa ruse en disant à Célie, en lui serrant la main, que lui-même, il venait sous ce prétexte vain. Il n'a pas aperçu Jeannette, ma filleule, laquelle a tout ouï parole pour parole. Et je ne doute point, quoi qu'il n'en ait rien dit, que tu ne sois de tout le complice maudit. Ah, vous me faites honte! S'il faut qu'on vous affronte, sachez qu'il m'a trompé le premier à ce compte. Veux-tu me faire voir que tu dis vérité? Qu'à le chasser, mon bras soit du tien assisté. Donnons-en à ce fourbe et du long et du large. Et de tout crime après, mon esprit te décharge. Oui, bien, très volontiers, je l'épousterai bien. Et par là, vous verrez que je n'y trempe en rien. Ah, vous serez rossé, monsieur de l'Arménie, qui toujours gâtait tout. Un mot, je vous supplie. Donc, monsieur l'imposteur, vous osez aujourd'hui duper un honnête homme et vous jouez de lui. Feint d'avoir vu son fils en une autre contrée pour vous donner chez lui plus aisément d'entrée. Lui non sur l'heure. Ah, coquin. C'est ainsi que les fours bourreaux sont ajustés ici. Gardez-moi bien cela. Pardon, je serai homme. Tirez, vous dis-je, ou bien je vous assomme. Voilà qui me plaît fort. Rentre, je suis content. À moi, par un valet, cet affront éclatant. Oh. Aurait-on pu prévoir l'action de ce traître? Il est insolemment de maltraiter son maître. Peut-on vous demander comment va votre dos? Moi? Voilà que c'est de ne voir pas Jeannette et d'avoir de tout temps une langue indiscrète. Ah! Je me vengerai de ce traître déloyal. Vous vous êtes causé vous-même tout le mal. Moi? Si vous n'étiez pas une cervelle folle, quand vous avez parlé naguère à votre idole, vous auriez aperçu Jeannette sur vos pas, dont l'oreille subtile a découvert le cas. On aurait pu surprendre un mot dit à Célie. Et d'où donc viendrait cette prompte sortie? Oui, vous n'êtes dehors que par votre caquet. Je ne sais si souvent vous jouez au piquet, mais au moins faites-vous des écarts admirables. Oh. Le plus malheureux de tous les misérables. Mais encore, pourquoi me voir chassé par toi? Je ne fis jamais mieux que d'en prendre l'emploi. Par là, j'empêche au moins que de cet artifice, je ne sois soupçonné d'être auteur ou complice. Il devait donc pour toi frapper plus doucement. Quelque saut. Trufalda lorgnait exactement. Et puis, je vous dirai, sous ce prétexte utile, je n'étais pas fâché d'évaporer ma bille. Enfin, la chose est faite. Et si j'ai votre foi qu'on ne vous verra pas vouloir venger sur moi, soit ou directement ou par quelque autre voie, les coups sur votre rabe assénés avec joie, je vous promets, aidé par le poste où je suis, de contenter vos voeux avant qu'il soit de nuit. Quoique ton traitement ait eu trop de rudesse, qu'est-ce que dessus moi ne peut cette promesse? Vous le promettez donc? Oui, je te le promets. Ce n'est pas encore tout. Promettez que jamais vous ne vous mêlerez dans quoi que j'entreprenne. Soit. Si vous y manquez, votre fièvre quartelle. Mais tiens-moi donc parole et songe à mon repos. Allez quitter l'habit et graissez votre dos. Faut-il que le malheur qui me suit à la trace me fasse voir toujours disgrâce sur disgrâce? Quoi, vous n'êtes pas loin, sortez vite d'ici. Et surtout, gardez-vous de prendre aucun souci, puisque je fais pour vous que cela vous suffise. N'aidez point mon projet de la moindre entreprise. Demeurez en repos. Oui, va, je m'y tiendrai. Il faut voir maintenant quel billet je prendrai. Mascarille, je viens te dire une nouvelle qui donne à tes desseins une atteinte cruelle. Alors que je parle, un jeune Égyptien qui n'est pas noir pourtant et sans son bien arrive accompagné d'une vieille fort âpre et vient chez Trufaldin racheter cet esclave que vous vouliez. Pour elle, il paraît fort zélé. Sans doute c'est l'amant dont Célie a parlé. Fut-il jamais destin plus brouillé que le nôtre? Sortant d'un embarras, nous tombons dans un autre. En vain, nous apprenons que Léandre est au point de quitter la partie et ne nous troublez point. Lorsqu'un rival s'éloigne, un autre plus funeste s'en vient nous enlever tout l'espoir qui nous reste. Toutefois, par un trait merveilleux de mon art, je crois que je pourrais retarder leur départ et me donner le temps qui sera nécessaire pour tâcher de finir cette fameuse affaire. Il s'est fait un grand vol. Par qui? L'on n'en sait rien. Eux autres rarement passent pour gens de bien. Je veux adroitement, sur un soupçon frivole, faire pour quelques jours emprisonner ce drôle. Je sais des officiers de justice altérée qui sont pour de tels coups de vrais délibérés. Dessus la vie d'espoir de quelques paraguantes. Il n'est rien que leur art aveuglément ne tente. Et du plus innocent, toujours à leur profit, la bourse est criminelle et paye son délit. Précédés d'esclaves qui portent de lourds bagages multicolores, vêtus d'un somptueux costume égyptien, un immense cimeterre maintenu sur sa poitrine par une énorme ceinture verte, apparaît Andrés. À peine s'avance-t-il vers le centre de la place que les deux exempts à la solde d'Ergaste se saisissent de lui et veulent l'entraîner vers la prison. Lily, qui passe ici par hasard, voit l'attentat et, n'écoutant que son courage, dégaine son épée et met en fuite les soudards. Libre, grâce à son rival ignoré, Andrés peut se présenter chez Trufaldin. Ergaste, qui a assisté à toute la scène, en fait le désolant récit à Mascarille. Ah, chien, un double chien, Martine de Cervelle. Ta persécution sera-t-elle éternelle? Par les soins vigilants de l'exemple à la frette, ton affaire allait bien. Le drôle était coffré. Si ton maître, au moment, ne fût venu lui-même en vrai désespéré, rompre ton stratagème. D'abord, il a chargé si bien sur les recors, qui sont gens d'ordinaire à craindre pour leur corps, qu'à l'heure que je parle, ils sont encore en fuite et pensent tous avoir un Lélie à leur suite. Le traître ne sait pas que cet Égyptien est déjà là-dedans pour lui ravir son bien. Adieu, certaine affaire à te quitter m'oblige. Oui, je suis stupéfait de ce dernier prodigue. On dirait, et pour moi j'en suis persuadé, que ce démon brouillon dont il est possédé se plaise à me braver et me l'aille conduire partout où sa présence est capable de nuire. Pourtant, je veux poursuivre, et malgré tous ses coups, voir qui l'emportera, de ce diable ou de nous. C'est lié quelque peu de notre intelligence. Elle ne voit son départ qu'avec répugnance. Je tâche à profiter de cette occasion. Mais ils viennent, songeons à l'exécution. Cette maison meublée est en ma bienséance. Je puis en disposer avec grande licence. Si le sort nous en dit, tout sera bien réglé. Nul que moi ne s'y tient, et j'en garde la clé. Ah Dieu, qu'en peu de temps on a vu l'aventure, et qu'un fourbe est contraint de prendre de figure. Vous le savez, Célie. Il n'est rien que mon cœur n'ait fait pour vous prouver l'excelle son ardeur. Je n'ai pour vous rejoindre épargné tant ni peine. Enfin, ayant trouvé la vieille égyptienne et plein d'impatience, apprenant votre sort, que pour certain argent qu'il aura apporté fort et qui de tous vos gens détourna le naufrage, vous aviez en ces lieux été mis en otage, j'accours vite y briser ces chaînes d'intérêt et recevoir de vous les ordres qu'il vous plaît. Cependant, on vous voit une morne tristesse, alors que dans vos yeux doit briller l'allégresse. Si pour vous la retraite avec quelques appâts, Venise, du butin fait parmi les combats, me garde pour tous deux de quoi pouvoir y vivre. Que si, comme devant, il vous faut encore suivre, j'y consens. Et mon cœur n'ambitionnera que d'être auprès de vous tout ce qu'il vous plaira. Votre zèle pour moi visiblement éclate. Pour en paraître triste, il faudrait être ingrate. Et mon visage aussi par son émotion n'explique point mon cœur en cette occasion. La douleur de tête pince sa violence. avait sur vous quelque peu de puissance, notre voyage, au moins pour 3 ou 4 jours, attendrait que ce mal eût pris un autre coup. Autant que vous voudrez, faites qu'il se diffère. Toutes mes volontés ne butent qu'à vous plaire. Cherchons une maison à vous mettre en repos. Les grifons que voici s'offrent tout à propos. Mascarille, qui a subrepticement accroché au mur la pancarte à louer, apparaît sur le seuil, déguisé en Suisse. Seigneur Suisse, êtes-vous de ce logis le maître? Moi, pour servir à vous. Pourrons-nous y bien être? Oui, moi pour étranger, j'avons chambre garnie. Mais je n'en point logé des gens de méchante vie. Je crois votre maison franche le tout ombrage. Vous, nouveau dans cette ville, moi, foire à la visage. Oui. La madame est-il mariage, Charles Montier? Quoi? S'il est son femme ou s'il est son sœur? Non. Ma foi, bien jolie. Venir pour marchandise ou bien pour te monter à la palais justice? La procès, il faut rien, il coûtait tant d'argent. La procureure, larron, l'avocat, bien méchant. Ce n'est pas pour cela. Faut donc mener cette fille pour venir pour mener et regarder la ville. N'importe, je suis à vous dans un moment. Je vais faire venir la vieille promptement. Contremander aussi notre voiture près. Lee, ne porte pas bien. Elle a mal à la tête. Moi, j'avoir de bon vin et du fromage bon. Entre vous, entre vous, dans mon petit maison. Que ce soit le transport d'une âme impatiente, ma parole m'oblige à rester en attente. À laisser faire un autre et voir sans rien oser comme de mes destins le ciel veut disposer. Demandiez-vous quelqu'un dedans cette demeure? C'est un logis garni que j'ai pris tout à l'heure. À mon père, pourtant, la maison appartient. Et mon valet, la nuit, pour la garder s'y tient. Je ne sais, l'écriteau marque au moins qu'on la loue. Lisez. Certes, ceci me surprend, je l'avoue. Qui diantre l'aurait mis et par quel intérêt? Ah, ma foi, je devine à peu près ce que c'est. Cela ne peut venir que de ce que j'augure. Peut-on vous demander quelle est cette aventure? Je voudrais, à tout autre, en faire un grand secret, mais pour vous, il n'importe. Et vous serez discret. Sans doute, l'écriteau que vous voyez paraître, comme je conjecture au moins, ne saurait être que quelque invention du valet que je dis, que quelque nœud subtil qu'il doit avoir ourdi pour mettre entre mes mains certaines égyptiennes, dont j'ai l'âme piquée et qu'il faut que j'obtienne. Je l'ai déjà manqué, et même plusieurs coups. Vous l'appelez Célie. Que ne disiez-vous? Vous n'aviez qu'à parler, je vous aurais sans doute épargné tous les soins que ces projets vous coûtent. Quoi, vous la connaissez? C'est moi qui maintenant viens de la racheter. Oh, discours surprenant. Sa santé de partir ne nous pouvant permettre au logis que voilà, je venais de la mettre. Et je suis très ravi dans cette occasion que vous m'ayez instruit de votre intention. Quoi, j'obtiendrai de vous le bonheur que j'espère. Vous pourriez... Tout à l'heure, on va vous satisfaire. Que pourrais-je vous dire et quel remerciement? Non, ne m'en faites point, je n'en veux nullement. Eh bien, voilà-t-il pas mon enragé de maître? Il nous va faire encore quelques nouveaux bicêtres. C'est ce grotesque habit qu'il aurait reconnu. Approche, Mascarille, et sois le bienvenu. Moi suis un Jean honnête. Moi non point maquerie. J'ai point vendre jamais le femme ni le fille. le plaisant baragouin. Il est bon, sur ma foi. Allez-vous pourmener, sans toi rire de moi. Va, va. Lève le masque et reconnais ton maître. Par Dieu, diable, mon foie, toi, j'ai jamais connu. Tout est accommodé, ne te déguise point. Si toi, point en aller, je paye un coup de poing. Ton jargon allemand est superflu, te dis-je. Car nous sommes d'accord. Et sa bonté m'oblige. J'ai tout ce que mes voeux lui pouvaient demander, tu n'as pas sujet de rien appréhender. Si vous êtes d'accord par un bonheur extrême, je me dessuisse donc et redeviens moi-même. C'est pas laid, vous servez avec beaucoup d'esprit. Mais je vais bien, demeurez quelque peu. Que diras-tu? Que j'ai l'âme ravie de voir d'un beau succès notre peine suivie. Tu feignais à sortir de ton déguisement et ne pouvais me croire en cet événement. Comme je vous connais, j'étais dans l'épouvante. Et trouve l'aventure aussi fort surprenante. Mais confesse qu'enfin, c'est avoir fait beaucoup. Au moins, j'ai réparé mes fautes à ce coup. Et j'aurai cet honneur d'avoir fini l'ouvrage. Soit, vous aurez été bien plus heureux que ça. N'est-ce point là l'objet dont vous m'avez parlé? Oh! Quel bonheur au mien pourrait être égalé! Il est vrai, d'un bienfait je vous suis redevable. Si je ne l'avouais, je serais condamnable. Mais enfin, ces bienfaits auraient trop de rigueur s'il le fallait payer aux dépens de mon cœur. Jugez, dans le transport où sa beauté me jette, si je dois à ce prix vous acquitter ma dette. Vous êtes généreux, vous ne le voudriez pas. Adieu pour quelques jours. Retournons sur nos pas. Je ris et toutefois je n'en ai guère envie. Vous êtes bien d'accord? Il vous donne ses lits. Hé, vous m'entendez bien? C'est trop. Je ne veux plus te demander pour moi de secours superflu. Je suis un chien! Un traître, un bourreau détestable, indigne d'aucun soin, de rien faire, incapable. Va, cesse tes efforts contre un malencontreux qui ne saurait souffrir que l'on le rende heureux. Après tant de malheurs, après mon imprudence, le trépas me doit seul prêter son assistance. Depuis votre séjour, les dames de ces lieux se plaignent justement des larcins de vos yeux. Si vous leur dérobez leur conquête plus belle et de tous leurs amants faites des infidèles. Il n'est guère de cœur qui puisse échapper aux traits dont à l'abord vous savez les frapper. Et mille libertés à vos chaînes offertes semblent vous enrichir chaque jour de nos pertes. Quant à moi, toutefois, je ne me plaindrai pas du pouvoir absolu de vos rares appâts si, lorsque mes amants sont devenus les vôtres, un seul m'eût consolé de la perte des autres. Mais qu'inhumainement vous me les ôtiez tous, c'est un dur procédé dont je me plains à vous. Voilà d'un air galant faire une raillerie, mais épargnez un peu celle qui vous en prie. Vos yeux, vos propres vos yeux se connaissent trop bien pour pouvoir de ma part redouter jamais rien. Ils sont fort assurés du pouvoir de leur charme et ne prendront jamais de pareilles alarmes. Pourtant, ce discours, je n'ai rien avancé qui dans tous les esprits ne soit déjà passé. Et sans parler du reste, on sait bien que Célie a causé des désirs à Léandre et Lélie. Je crois qu'étant tombé en cet aveuglement, vous vous consoleriez de leur perte aisément et trouveriez pour vous l'amant peu souhaitable qui d'un si mauvais choix se trouverait capable. Au contraire, j'agis d'un air tout différent. Et trouve en vos beautés un mérite si grand, j'y vois tant de raisons capables de défendre l'inconstance de ceux qui s'en laissent surprendre, que je ne puis blâmer la nouveauté des feux dont envers moi Léandre a parjuré ses voeux. Et le vais voir tantôt, sans haine et sans colère, ramené sous mes lois par le pouvoir d'un père. Grande, grande nouvelle et succès surprenant que ma bouche vous vient annoncer maintenant. Qu'est-ce donc ? Écoutez, voici sans flatterie la fin d'une vraie et pure comédie. La vieille égyptienne, à l'heure même, passait dedans la place et ne songeait à rien, alors qu'une autre vieille, assez défigurée, l'ayant de près au nez longtemps considérée, par un bruit enroué de mots injurieux, a donné le signal d'un combat furieux qui, pour arme pourtant mousquet, dague ou flèche, ne faisait voir en l'air que quatre griffes sèches dont ces deux combattants s'efforçaient d'arracher ce peu que sur leurs os les en laissent de chair. On entend que ces mots « chienne, louve, bagasse » d'abord leurs scorpions ont volé par la place et laissant voir à nu deux têtes sans cheveux ont rendu le combat risiblement affreux. Andrès et Truffaldin, à l'éclat du murmure, ainsi que Force Monde accouru d'aventure, ont allé décharpir eu de la peine assez tant leurs esprits étaient par la fureur poussés. Cependant que chacune, après cette tempête, songe à cacher aux yeux la honte de sa tête, et que l'on veut savoir qui causait cette humeur, celle qui la première avait fait la rumeur, malgré la passion dont elle était émue, ayant sur Truffaldin tenu longtemps la vue. C'est vous ? Si quelque erreur n'abuse ici mes yeux, qu'on m'a dit qu'y viviez inconnus, en ces lieux, a-t-elle dit tout haut ? Oh ! Rencontre opportune ! Oui, seigneur Zagnobio Ruberti, la fortune me fait vous rencontrer, et dans le même instant que pour votre intérêt, je me tourmentais tant. Lorsque Naples vous vit quitter votre famille, j'avais, vous le savez, en mes mains votre fille dont j'élevais l'enfance, et qui par mille traits faisait voir dès 4 ans sa grâce et ses attraits. Celle que vous voyez, cette infâme sorcière, dedans notre maison se rendant familière, me vola ce trésor, hélas ! De ce malheur, votre femme, je crois, conçut tant de douleurs que cela servit fort pour avancer sa vie. Si bien qu'entre mes mains, cette fille ravie me faisant reprocher un reproche fâcheux, je vous fis annoncer la mort de toutes deux. Mais il faut maintenant, puisque je l'ai connue, qu'elle dise ce qu'elle est devenue. Au nom de Zanobio Ruberti, que sa voix pendant tout ce récit répétait plusieurs fois, Andrès, ayant changé quelque temps de visage, à Truffaldin surpris a tenu ce langage. Quoi donc ? Le ciel me fait trouver heureusement celui que jusqu'ici j'ai cherché vainement et que j'avais pu voir sans pourtant reconnaître la source de mon sang et l'auteur de mon être. Oui, mon père, je suis Horace, votre fils. D'Albert, qui me gardait, les jours étant finis, me sentant naître au cœur d'autres inquiétudes, je sortis de Bologne et, quittant mes études, portais durant 6 ans mes pas en divers lieux selon que me poussait un désir curieux. Mais après ce temps-là, une secrète envie me poussa de revoir les miens et ma patrie. Mais dans Naples, hélas, je ne vous trouvais plus et n'y sus votre sort que par des bruits confus. Si bien qu'à votre quête ayant perdu mes peines, Venise pour un temps borna mes Courcelles. Et j'ai vécu depuis sans feu de ma maison, j'eusse d'autres clartés que d'en savoir le nom. Je vous laisse à penser si pendant ces affaires, Truffaldin ressentait des transports ordinaires. Enfin, pour retrancher ce que plus à loisir vous aurez le moyen de vous faire éclaircir par la confession de votre égyptienne, Truffaldin, maintenant, vous reconnaît pour sienne. Andrès est votre frère. Et, comme de sa sœur, il ne peut pas songer à se voir possesseur, une obligation qu'il prétend reconnaître a fait qu'il vous obtient pour épouse à mon maître, dont le père, témoin de tout l'événement, donne à cet Hyménée un plein consentement. Et pour mettre une joie entière en sa famille, pour le nouvel Horace, a proposé sa fille. Voyez que d'incidents à la fois enfantés. Je demeure immobile à tant de nouveautés. Tous viennent sur mes pas. Or, les deux championnes qui du combat encore remettent leur personne. Léandre est de la troupe. Et votre père aussi. Moi, je vais avertir mon maître de ceci. Et que lorsqu'à ses vœux, on prend le plus d'obstacles, le ciel en sa faveur produit comme un miracle. Un tel ravissement rend mes esprits confus que pour mon propre sort, je n'en aurais pas plus. Mais les voici venir. Ah ! Ma fille ! Ah ! Mon père ! Sais-tu déjà comment le ciel nous est prospère ? Je viens d'ouïr ici ce succès merveilleux. En vain, vous parlez en pour excuser mon cœur. Si j'ai devant les yeux ce que vous pouvez dire. Un généreux pardon est ce que je désire. Mais j'atteste les cieux qu'en ce retour soudain, mon père fait bien moins que mon propre dessein. Qui n'aurait jamais cru que cette ardeur si pure pût être condamnée un jour par la nature? Toutefois, tant d'honneur la fit toujours régir qu'en y changeant fort peu, je puis la retenir. Pour moi, je me flattais et croyais faire faute quand je n'avais pour vous qu'une estime très haute. Mais en te recouvrant, que diras-tu de moi si je songe aussitôt à me priver de toi et t'engage à son fils sous les lois d'Hyménée? Que de vous maintenant dépend ma destinée. Voyons si votre diable aura bien le pouvoir de détruire à ce coup un si solide espoir. Et si contre l'aspect du bien qui vous arrive, vous armerez encore votre imaginatif. Par un coup imprévu des destins les plus doux, vos vœux sont couronnés, et Célie est à vous. Croirais-je que du ciel la puissance absolue? Oui, mon gendre, il est vrai. La chose est résolue. Je m'acquitte par là de ce que je vous dois. Il faut que je t'embrasse, et mille fois dans cette joie. Hé, hey, hey, doucement. Il m'a presque étouffé. Je crains fort pour Célie. Si vous la caressez avec tant de transport, de vos embrassements, on se passerait fort. Oh, oh, oh. Vous savez le bonheur que le ciel me renvoie. Mais puisqu'un même jour nous met tous dans la joie, ne nous séparons point qu'il ne soit terminé et que son père aussi nous soit vite amené. Vous voilà tous pourvus. N'est-il point quelque fille qui pût accommoder le pauvre Mascarille? À voir chacun se joindre à sa chacune ici. J'ai des démangeaisons de mariage aussi. J'ai tout fait. Allons donc, et que les cieux prospèrent, nous donnent des enfants dont nous soyons les pères. Le débat de la tribune libre de Théâtre et Université réunit autour de Philippe de Chartres, Léon Chancerel, président de la Société d'Histoire du Théâtre, Daniel Sorano, Marcel Giraudet, Robert Monestier, professeur de lettres au lycée Charlemagne, et Pierre Bazin et Daniel Lardreau, élèves de première au lycée Charlemagne. Je voudrais tout d'abord demander à Daniel Lardreau ce qu'il pense de l'étourdi dans l'œuvre de Molière, de l'étourdi tel que Daniel Sorano nous l'a présenté aujourd'hui. J'ai lu auparavant l'étourdi avant de voir la pièce et par conséquent je n'abordais pas l'étourdi avec appréhension. D'abord parce que j'ai une extrême confiance en Molière et j'ai trouvé un étourdi brillant, plein de verve, joué par un Sorano absolument éblouissant. Et cette pièce a été pour moi une révélation parce qu'elle m'a montré un autre aspect de Molière. Ce n'était plus le Molière peintre des mœurs, mais un Molière purement comédien. Marcel Giraudet. C'est une pièce toute nouvelle, mais est-ce que Molière ne s'y retrouve pas déjà à peu près tout entier? Et surtout dans cette vertu comique, vis comica comme on dit, cette vertu comique qui emporte le spectateur quel qu'il soit. Et dans l'étourdi, dans toute cette construction qui peut paraître un peu bizarre, parce que nous avons perdu le contact avec le jeu des Italiens tel qu'on le connaissait à l'époque, mais dans cette construction compliquée de l'étourdi, il y a quand même matière à s'intéresser et à découvrir à la fois le comique du XVIIe siècle et Molière, et peut-être même à y découvrir autre chose qui a couru à travers la littérature française et la littérature théâtrale jusqu'au romantisme. Qu'est-ce que l'étourdi dans l'œuvre de Molière? C'est sa première pièce. C'est ça. Donc dans quelles conditions Molière a-t-il écrit l'étourdi? Devant quel problème personnel se trouvait-il au moment où il a écrit l'étourdi et où il a présenté l'étourdi à son public? Léon Chancerel. Bah, nous savons tous que l'étourdi a été créé à Lyon. On ne sait pas exactement la date, Lagrange se contredit, est-ce 1653, est-ce 1655, mais ce qu'on sait, c'est qu'entre 1653 et 1658, Lyon, cette grande ville très éprise de théâtre, était le port d'attache de la troupe de Molière. Or, Molière avait déjà une grande réputation comme chez la troupe de Molière, et Molière, comédien, avait déjà une grande réputation dans les provinces. Très grande. C'est pas une erreur de croire que c'était des petits baladins qui allaient jouer dans les granges misérablement, n'est-ce pas? Donc, il arrive à Lyon, il avait son répertoire. Son répertoire, c'était pas des pièces de lui, c'était les pièces qu'on jouait alors, les nouveautés de Paris, où il y avait des tragédies et des comédies. Et lui, ce qu'il apportait, c'était un sens de la farce. Il jouait des farces en grande partie improvisées. Or, son répertoire de pièces des auteurs de l'époque, ou surtout du point de vue comique, ne lui semblait pas très, très bon. Et il s'est dit, mais pourquoi est-ce que moi aussi, je n'écrirais pas des comédies littéraires, des comédies en cinq actes en vers pour mon répertoire, et écrit en fonction de moi comédien, de mes besoins de comédien, et d'un espèce de personnage que je cherche, et de ma troupe. Et c'est ainsi qu'il écrit sa première pièce, L'étourdi, première pièce en cinq actes en vers, dont on peut dire qu'elle n'est pas excellente, qu'elle est assez maladroite. Il faut se dire que c'est la pièce d'un premier auteur, ou plutôt d'un chef de troupe qui devient auteur. Et la meilleure preuve qu'il n'y attachait pas énormément d'importance, c'est que ce n'est que beaucoup plus tard qu'il donna cette pièce à l'impression. Voilà, ce qui, je crois, ce qu'il faut dire, n'est-ce pas? Un chef de troupe qui se met à écrire des comédies régulières après avoir fait son public, obtenu son succès, avec des farces semi-improvisées, dont la majeure partie d'ailleurs est perdue. Léon Chancerel, est-ce que Molière avait à son répertoire le menteur de Corneille? Je ne sais pas. Ça, nous ne pouvons pas le savoir. Il était en relation avec les deux Corneille d'une manière très suivie, et il est possible que s'il ne l'avait pas au répertoire, il l'avait sans doute. Il le connaissait sûrement. Du reste, l'influence du style de Corneille dans Molière, dans la prose, le vers de Molière est absolument extraordinaire. C'est une chose avérée. Il n'y a aucun doute, et comme vous le disiez, le document historique nous permet d'assurer que les relations entre les Corneille et Molière était très étroite, et cela depuis les premières représentations à Rouen. Nous nous trouvons donc devant la première pièce d'un auteur qui est en même temps directeur de troupe. Voilà donc les nécessités dans lesquelles il se trouve. Il est jeune, Robert Monestier. Il est jeune, il a 30 à 35 ans, un peu plus que Corneille lorsqu'il donnait le Cid, mais il n'a pas cette sorte d'entraînement et déjà presque de maturité qu'avait l'auteur du Cid. Il a pu donner, il me semble, à l'étourdi cette espèce de verve, d'ardeur, de jeunesse qu'il y a dans le Cid. Mais il ne lui a pas donné, toute proportion gardée, et en transposant à la comédie, ce qui, pour le Cid, est d'une tragédie, il ne lui a pas donné cette profondeur, cette vérité qu'il saura très peu de temps après, dès les Précieuses Ridicules et dès l'École des Femmes, donner à ses comédies. C'est tout de même un coup d'essai, et qui n'est pas tout à fait un coup de maître. Oui, mais il faut être juste. La comparaison ne me paraît guère possible. La tragédie exige des caractères construits et des caractères qui évoluent. La comédie doit nous faire rire, c'est son but. Et elle n'est pas obligatoirement une comédie de mœurs ou une comédie de caractère. Regardez les personnages de l'étourdi, tous tels qu'ils sont. Ils ne changent pas, ils sont identiques à eux-mêmes d'un bout à l'autre de la pièce, ils n'évoluent pas, et c'est même la répétition inéluctable, mécanique de leur bévue qui nous fait rire. Et Mascarille mis à part, ils sont des naïfs, les jeunes sont des naïfs, et les vieux eux-mêmes sont des naïfs. Robert Monestier. Peut-être a-t-il, dans l'étourdi, créé seulement des fantoches, dont un seul, Mascari, a tout de même déjà quelques vérités, quelques complexités, si peu que ce soit. Mais tous les autres sont extrêmement simples. Le poète comique fait rire avec des fantoches, et il les remplit de son ou de venin, n'est-ce pas? Les fantoches de l'étourdi sont un peu remplies de son et de pâtes sucrées, quelquefois, quand il s'agit des femmes. Et dans Tartuffe, ils sont remplis d'un venin social, dans l'avare d'un venin familial, qui sort dès qu'on leur appuie sur le nez, comprenez? Mais ces fantoches, c'est la ressource première et essentielle du poète comique. Il faut que ce soit des fantoches sur la scène. Nous considérons le théâtre un peu avec la position de nos arrière-grands-parents qui étaient habitués à la représentation classique et au théâtre d'ordre social. Nous sommes contents de retrouver toujours sous-jacent l'étude d'un caractère, la défense d'un ordre moral ou d'un ordre social ou d'un ordre privé, mais je crois que le véritable comique, regardez Charlot, regardez Pierrot, regardez De Bureau, Regardez les pantomimes, et ces gens-là sont des fantoches cruelles, mais des fantoches. Léon Chancerelle. Ça, je suis très, très heureux de vous entendre dire ça, n'est-ce pas? Et je ne sais pas même si le mot fantoche est très juste. Il s'agit, en somme, de personnages fixes, de personnages traditionnels, ce que les Italiens appelaient des masques. Et effectivement, depuis l'origine du théâtre jusqu'à nos jours, on retrouve ces mêmes personnages fixes que chaque époque, chaque poète comique nourrit de sa personnalité, de son génie propre et de l'observation de l'époque. C'est ce que Thibaudet appelait les rôles relayés. C'est un rôle relayé depuis la haute antiquité, le rôle du valet coquin, du valet menteur. Et il est certain que la seule rupture après Molière, ça a été Marivaux et Musset. Mais toujours, d'un bout à l'autre, on a continué le rôle du valet coquin ou d'autres rôles. Et ce que vous dites pour le personnage du valet, c'est exact aussi pour les deux personnages de vieillard. Ça, c'est classique, les deux vecchi de la comédie italienne que nous trouvons chez les Français, chez les Espagnols, partout. De même, ces fantoches-là, enfin, ces masques du valet, nous les trouvons exactement dans le théâtre espagnol. Donc Molière fut très inspiré quand il écrivit l'étourdi. Robert Monestier. Je crois, comme vous, que le personnage comique est beaucoup plus simple qu'un personnage de roman. Il ne peut pas en avoir toute la complexité. Cependant, il me semble que ce fantoche dont vous parlez, c'est l'élément premier ou primitif de la comédie, mais que le poète comique de génie est celui qui sait donner à ce fantoche initial beaucoup plus de vérité et de complexité, qui sait faire d'un Tartuffe ce que vous voyez, n'est-ce pas, d'un Alceste un personnage à la fois comique par certains aspects et infiniment humain en même temps. Rien de cela encore dans l'étourdi. Il faut bien reconnaître que c'est une pièce de début. Mais il n'en est pas question. Molière n'y songe pas une seconde. Molière est resté Mascari pendant un certain nombre de temps. Il est devenu après ça Sganarelle, et ce n'est qu'à la fin qu'il a abordé des personnages qui sortaient du cadre habituel de la comédie de l'époque. L'étourdi n'est pas une comédie où il y a des caractères, n'est-ce pas, qui vivent par eux-mêmes. Il y a en effet des masques, et ce n'est peut-être pas l'étourdi, c'est les contretemps, et ça veut quand même dire quelque chose, puisque Molière l'a mis dans son titre. Mais maintenant, peut-être pourrions-nous nous demander, nous qui avons ri à ce spectacle sans nous poser au moment où nous aurions toutes ces questions, quel était à l'époque le goût du public? Léon Chancerelle. Ben ça, le goût du public, il suffit de lire le répertoire de l'époque et le répertoire que jouait Molière avant d'écrire lui-même sa première comédie. Ben, c'était des comédies d'intrigue très inspirées, car le théâtre comique de la France doit beaucoup à ce moment-là et aux Italiens et aux Espagnols. Et la meilleure preuve, c'est que quand Molière écrit l'étourdi, il ne cherche pas à inventer, il prend d'une part tout ce qu'on peut appeler aujourd'hui les gags, les lazzi traditionnels de la comédie, et quant au texte, quant à l'intrigue, il ne se donne pas la peine d'en chercher une, Il attire des pièces étrangères qui lui étaient familières, car il lisait parfaitement l'italien et l'espagnol. Il est inutile de rappeler ici tout ce que l'étourdi doit à l'inavertito du comédien Niccolo Barbieri, dit Beltrame, pour lequel Molière avait une grande admiration, dont il imitait d'ailleurs le costume et le maquillage, de l'Emilia Luigi Greto, de l'Angelica, enfin, on pourrait en citer, et entre autres choses, de cette nouvelle de Cervantes qui s'appelle La Belle Égyptienne, et dont à l'époque on avait tiré de nombreuses adaptations théâtrales. Voilà l'atmosphère. Et puis même des Français comme Noël Dufay. Mais voilà, c'est très juste. Il ne faut pas voir dans l'étourdi, et dans le fait d'avoir monté l'étourdi, uniquement une recherche historique et archéologique. L'étourdi a été monté au Théâtre National Populaire pour un public populaire et il me semble que pour le moment le public populaire y va, n'est-ce pas? Est-ce qu'à l'époque de Molière les recettes de la pièce étaient bonnes, Chancerelle? Oh, ça vous savez, ça serait bien long, mon cher ami. Mmh. Mais ce en que gros, je veux vous dire, en gros, c'est que quand. Attendez, j'ai des notes là. Quand. D'après le registre de Lagrange, j'ai regardé justement. Vous savez, en 1658, on le joue à Paris, mm-hmm. C'est pas aussitôt au moment où Molière arrive, et que l'étourdi alors a un grand succès et qu'on le joue un certain nombre de fois. Enfin, ça assure le succès de la troupe les débuts à Paris. Et puis alors, par la suite, bah, on le joue régulièrement. En 1659, on trouve 10 représentations. On en trouve tout le long de la vie de Molière. Il n'y a que 2 années où on ne joue pas l'étourdi, en 1667 et en 1671. Et en 1672, on trouve encore 2 représentations, et c'est là, le 16 septembre 1672, que Molière joue pour la dernière fois Mascarille. Les recettes sont assez petites, ça ne dépasse pas dans l'ensemble une moyenne de 300 livres, ce qui est fort peu. Un jour, on trouve, je ne sais pas, je ne vois pas la date exactement là, mais enfin, je peux la retrouver. Oui, c'est ça, le 6 février 1660, on voit une grosse recette. On voit 1100 livres. Pourquoi? On se dit, tiens, et le roi était venu. Hein? Oh, oui, ah, puis, non, c'est que ça coïncidait avec Les Précieuses qui ont fait courir tout Paris. Molière avait fait spectacle, Les Précieuses et Mascarille. Et il jouait les 2 Mascarille. Et il jouait, il y a aussi une chose que nous n'avons pas dite, c'est que nous savons que quand Molière jouait le Mascarille des Précieuses, nous avons depuis peu un document qui a été sorti, il le jouait sous le demi-masque. Mascarille, petit masque, n'est-ce pas? Alors, cette question-là, enfin, ça. Alors, ça nous entraînerait bien loin, parce qu'on dirige, on discuterait de l'utilité ou de la non-utilité du masque, mais enfin, je crois qu'il fallait s'en souvenir. Et ça accentue dire, encore, oui. Voyez-vous, le côté vraiment influence italienne de Molière dans l'étourdi. Eh bien, je. Léon Chancel, quelle a été par la suite la carrière de l'étourdi? C'est sous le règne de Louis XV. Que je trouve le plus grand nombre de représentations de l'étourdi par les comédiens français. De 1715 à 1774, il y eut 137 représentations, alors que d'habitude, jusque-là, il n'y en avait guère que 20, 30, etc. Marcel Giraudet. N'était-ce pas le goût du XVIIIe siècle pour le théâtre italien qui avait une certaine prédominance, puisque Marivaux lui-même en est sorti? Ah oui, bah vous dites ça à propos du goût italien et peut-être aussi du masque. Du masque aussi. Alors ça, on ne peut pas dire, on ne sait pas, je ne crois pas qu'à ce moment-là, l'étourdi ait été joué sous le masque. Ce qu'on sait, ce que des documents affirment, c'est que jusqu'à la fin du XVIIIe, chez les comédiens français, les personnages de vieux, les vieillards, les vecchi, étaient joués sous le demi-masque. Et aussi les personnages de vieilles femmes. C'est extrêmement intéressant, oui. Je trouve. Par conséquent, le goût du masque restait encore. Et alors, par la suite? Eh bien, par la suite, alors la grande reprise, sous l'Empire, sous le Premier Empire, on joue très peu, sous le Second aussi, et la grande reprise, c'est la reprise de 1871, avec Delaunay dans le rôle de Lely, qui était éblouissant, comme fut après éblouissant des Lely. Souvent, on dit que ce rôle de Lely est un rôle de sot, mais c'est peut-être toujours parce que le comédien n'y donne pas, enfin, ce charme, cette hurluberlu plein de jeunesse, de foi, cette affolée, que des Lely ou Delaunay donnaient si bien. Et alors là, ce fut un très grand succès. Et, Léon Chancerelle, cette reprise de 71, quelle a été l'atmosphère? Oh, l'atmosphère, un succès énorme. Et nous avons un texte de Sarcey, Francisque Sarcey, l'oncle, qui est absolument enthousiaste. Et entre autres compliments qu'il fait à Coquelin, c'est la façon dont Coquelin disait le long récit, vous savez, du dernier acte, ce que les comédiens appellent un tunnel qui fait peur aux comédiens, puisqu'il y a 80 vers à la suite. Et alors il disait que vraiment Coquelin était éblouissante. Je peux lire ça, oui, parce que je voudrais, il me semble, enfin pour ma part, ce que Sarcey a dit de Coquelin, je l'applique vraiment aussi à Sorano. J'ai eu la même impression. Et voilà ce que dit Sarcey. Monsieur Coquelin l'a jeté, ce récit, tout d'une haleine, avec une rapidité et un air de débit qu'on ne saurait trop admirer. La salle était suspendue à ses lèvres, avec cette sorte d'admiration et de battement de cœur qu'on ressent à voir un danseur de cordes faire ses tours à 30 pieds de hauteur. Tout le monde se disait, comment va-t-il en sortir, il n'ira pas jusqu'au bout. Et quand il eut fini, au milieu des rires de tout l'auditoire, il y eut deux salves d'applaudissements. Je retourne à Sorano, le compliment de Sarcey. Eh bien, Daniel Sorano, compte tenu des responsabilités du Théâtre National Populaire, compte tenu du public d'aujourd'hui que vous connaissez bien et pour lequel vous jouez, pourquoi avez-vous monté l'étourdi ? Bien, c'est une histoire un peu anecdotique, en ce sens que un beau jour, Jean Villard m'a demandé le rôle que j'aurais envie de jouer. Et je lui ai dit, comme tous les grands valets de Molière, j'ai déjà joué Scapin. Évidemment, un personnage me tente, c'est le Mascarille d'Étourdi, qui est une véritable performance. Alors, sur ce, il me dit, bon, je penserai à ça. Et quelques temps après, il me dit, tu sais, il faut que tu fasses une mise en scène de Molière, tu vas me mettre en scène l'Étourdi, puisque tu veux jouer Mascarille. Voilà comment nous en sommes arrivés, n'est-ce pas, à monter l'Étourdi. Il est assez logique, d'ailleurs, que le meneur de jeu qui est Mascarille dans le jeu des personnages de la pièce ou aussi le meneur de jeu en tant que metteur en scène. Oui, c'est d'ailleurs la théorie de Jean Villard qui dit, enfin qui prétend que le tout premier rôle de la pièce, lorsqu'il y a un tout premier rôle responsable de la pièce, doit certainement faire la mise en scène parce que son jeu, incontestablement, va donner l'impulsion à toute la pièce. Et responsable des personnages, responsable de l'intrigue et responsable de la mise en scène. C'est ça. Maintenant, d'aucuns disent que cette pièce, enfin, n'est plus audible à l'heure actuelle. Évidemment, il m'est difficile de juger, puisque je suis de l'autre côté de la rampe. Oui, mais c'est intéressant. Que nous n'avons pas, d'ailleurs, au TNP. Mais enfin, moi, je suis très persuadé du contraire. Si vous le permettez, je vais vous raconter la petite expérience que nous avons eue. Comme c'était ma toute première mise en scène, j'ai demandé à Jean Villard de ne pas présenter immédiatement à la critique ma réalisation, de peur qu'elle ne soit pas à la hauteur de ce que fait le Théâtre National Populaire d'habitude. Villard a accepté, me disant, on ne le passera que l'année prochaine. Nous avons donc créé la pièce à Versailles, devant un public payant, qui était venu voir l'Étourdi dans le théâtre Montansier, n'est-ce pas, ça faisait charmant, enfin il est tout à fait indiqué pour jouer des pièces de Molière, surtout ce genre de pièces presque de salon. Et alors, le succès a été très grand. Je me suis dit, c'est peut-être un succès d'estime uniquement, n'est-ce pas. Là-dessus, nous sommes allés au Festival de Marseille, où j'ai fait une expérience que j'ai trouvée absolument extraordinaire et réconfortante. Deux fois, devant 5000 personnes chaque fois, j'ai été ravi, de voir que les petites trouvailles de mise en scène, dont les pantomimes que je fais pour lier les actes, et qui souvent indiquent ce qui va être fait par la suite, et que le texte dit trop vite, qui peuvent donc échapper au public, je vous le souligner, les souligner par des pantomimes. Or, quand je faisais ces pantomimes, ils saisissaient, ils partaient d'un éclat de rire et il y avait une salve d'applaudissements. Et je suis persuadé que, bien qu'on dise que la pièce ne fait pas rire maintenant, que c'est démodé, etc., je pense que ce sont les gens qui n'ont aucune naïveté, aucune fraîcheur, qui disent cela. Parce que je vous assure bien, on dit, cette répétition exagérée des bourdes de Lely finit par fatiguer, ce n'est pas vrai. Je crois d'ailleurs qu'il faut qu'il y ait répétition, autrement il n'y aurait pas intérêt. Bien sûr. À la fois d'abord l'abusement et puis l'irritation du public qui voit qu'à chaque fois l'échafaudage de Mascarille s'effondre. Bien et sûr. On attend La nouvelle astuce. C'est ça. Et la meilleure des preuves, c'est que ce comique à répétition, n'est-ce pas, qu'allait-il faire dans cette galère, sans dot, sans dot, sans dot, c'est la même chose. C'est peut-être un petit peu plus répété là-dedans, mais il y a un fait certain, c'est que à la première bourde de Lely, le public sourit. À la deuxième, il sourit plus franchement. À la troisième, il rit. À la quatrième, il rit plus fort. À la cinquième, il se tord. À partir de la sixième, quand Mascari rentre, il y a des « Oh, et puis tout le monde rit. Vous comprenez ? Et c'est parce qu'il y a beaucoup de nuances. C'est que, dans le fond, l'étourderie de Lely n'est valable que pour Mascari, parce que c'est une étourderie, c'est une naïveté, c'est un malchanceux, c'est un gaffeur, mais ça n'est pas l'étourderie telle qu'on la conçoit d'habitude, non, n'est-ce pas ? Ni et la niaiserie. Ni la niaiserie. Ça, il faut souligner. Et ça n'est pas, justement, ça n'est pas une répétition d'un fait de caractère, ce sont les circonstances qui tombent sur le pauvre Mascari par l'instrument de Lely. Absolument. L'étourdi est, au fond, le lien entre les ballets, les espèces de parades ballets, les parades dansées du théâtre de l'époque et la grande comédie qui va sortir bientôt de chez Molière. Et vous avez trouvé, vous avez retrouvé tous ces secrets qui fait que le public marche maintenant comme il a marché au XVIIe siècle, au fond. D'ailleurs, vous savez, dans ces pantomimes, j'ai essayé aussi d'introduire l'élément un peu ballet par les musiciens qui participent à l'action. Et d'autre part, au quatrième acte, Lely arrive accompagnée de Mascari et Mascari lui dit « Vous voilà fagoté d'une plaisante sorte. » Il est habillé avec un habit de marchand d'Arménie imaginaire et j'ai voulu que l'habillage se fasse sur une espèce de petit ballet. Mascari a les deux compagnons qui lui ont servi à faire les mascarades, n'est-ce pas ? Alors, ses compagnons apportent un par un chacun des objets. La robe, le chapeau, les chaussures, la barbe... C'est très fidèle à l'esprit. C'est très fidèle à l'esprit de Molière. Regarde dans le bourgeois. C'est le bourgeois. Oui. Ben, c'est... Il est certain que, en effet, si nous rions, c'est parce que nous avons autre chose à faire qu'à penser, et que cet univers farfelu, eh bien, met le spectateur dans une ambiance extrêmement favorable. Au fond, tout le monde est complice. Oui, enfin, même si il y a, enfin, quelquefois, une complicité qui est un peu grosse. Oui. Est-ce que je peux vous dire un petit mot, Sorano? C'est que lorsque je me suis attaqué à l'étourdi, la première des choses que j'ai dit à mes comédiens, convention avant tout. Et je veux qu'elle se voie. C'est ridicule d'essayer de la camoufler ou de la dissimuler, c'est idiot. Oui. Sans cela, on ne rirait pas, par exemple, de cet humour macabre du second acte, si je ne me trompe. Mais oui. Ces funérailles. Oui. En réalité, font rire et sont lieu de scandaliser personne. C'était un lieu commun de la farce de l'époque, n'est-ce pas ? Absolument. Ça n'est pas propre à Molière. Oui. Molière absolument. Ramasse ça. Oui. Absolument. Mais n'oublions pas que c'est quand même assez spécial à l'étourdi, parce que vous parliez de cette comédie macabre. Quand on la voit dans Le Malade Imaginaire, ça prend un tout autre sens. Et là, nous sommes tout à fait près du drame. Ah, c'est parce que c'est mal joué. Et qu'on supprime pourquoi ? C'est parce qu'on supprime les intermèdes dansés. Sûrement. Ne croyez-vous pas que c'est parce que les personnages du Malade Imaginaire nous donnent l'impression d'être des hommes vrais et non pas justement comme ceux de l'étourdi et des fantoches ? Oui, mais Molière voulait qu'on rie. Un autre exemple, celui de Dandin. Dandin, on le termine en tragédie. C'est parce qu'on ne met pas l'intermède après. Quand on relit dans les danses, je crois que c'est dans L'île enchantée, on s'aperçoit que immédiatement. Dandin ne va pas se suicider, il va rigoler. Il va boire un coup, vous comprenez. Or, on le joue maintenant comme si c'était une tragédie, et ça insiste encore sur cet intellectualisme constant dans la comédie de Molière. Et vous avez prononcé un mot, du reste, tout à l'heure, là, qui me semble extrêmement intéressant, vous avez prononcé le mot d'humour. Or, c'est un terme qu'on n'emploie en général pas pour Molière, et qui est très juste, n'est-ce pas ? Cet humour, il le tenait des Espagnols. On le retrouve dans le théâtre anglais. Mais, en général, on ne l'emploie pas. Et dans les classes, on ne l'emploie pas. On emploie le mot de gaieté, le mot de comique, mais d'humour. En effet, il y a de l'humour. Il y a de l'humour, pourquoi ? Parce que le comique, dans l'étourdi surtout, est une chose extrêmement fine, qui vient d'un mélange des genres, et c'est pourquoi Victor Hugo l'aimait. Ouais. Il y a du burlesque, il y a de la préciosité, il y a du roman sentimental, il y a du roman d'aventure, il y a ces Égyptiens, ces Égyptiennes, cette Égyptienne toute colorée qui vient sur la scène, c'est quand même extraordinaire. Il y a tout un monde, dans le fond, tout un monde Louis XIII, n'est-ce pas ? Tout un monde extrêmement vivant, extrêmement coloré, que les enfants et que les grandes personnes recherchent encore dans Alexandre Dumas, quelquefois, n'est-ce pas ? Et tout ça, ça vit sur la scène, et ça se cristallise sur Mascari. Mascari, maître du jeu, c'est entendu. Mascari, metteur en scène, vraiment de la pièce. Mais Mascari qui parle le jargon, qui parle le langage comique, qui parle le langage noble, qui sait dans le fond ce que c'est que la vie et qui est venu en espèce d'intermédiaire, n'est-ce pas, en intermédiaire du monde des adultes pour dire aux jeunes gens... Eh bien, la vie quand même, n'est-ce pas, ça s'arrange. Et même si les dénouements sont un peu bafouilleux ou un peu futiles, eh bien, ça, c'est la vie, n'est-ce pas. Mascari, c'est la vie. Et c'est le jugement, c'est la vraie philosophie de la vie. Oui, c'est vrai. L'étourdi, c'est avant tout la pièce d'un jeune auteur. C'est une pièce pour jeune compagnie. Finalement, c'est une pièce pour les jeunes, pour un jeune public. Molière occupe les érudits, fait penser les philosophes, et amuse les enfants, c'est-à-dire ceux qui sont dignes d'être des enfants. La radiodiffusion française vient de vous présenter, sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, le théâtre et l'université, une émission de Philippe de Chartres. Le jeudi 24 novembre, le Théâtre national populaire a donné une représentation de L'Étourdi, comédie de Molière, que vous avez entendu dans un découpage radiophonique avec la distribution suivante. Lélie, fils de Pandolfe, Yves Gasque. Célie, esclave de Truffaldin, Nadine Berger. Mascarille, valet de Lélie, Daniel Sorano. Hippolyte, fille d'Anselme, Christiane Minazzoli. Anselme, père d'Hippolyte, Georges Riquier. Truffaldin, vieillard, Philippe Noiret. Pandolfe, père de Lélie, Jean-Paul Moulineau. Léandre, fils de famille, Jean-Pierre Darras. Andrès, cru égyptien, Roger Molien. Ergaste, ami de Mascarille, Coussonneau, un courrier, André Rousselet, première troupe de masques, Coussonneau et André Rousselet, deuxième troupe de masques, Marc et André. Musique de Maurice Jarre, mise en scène de Daniel Sorano. Le débat de la tribune libre de Théâtre et Université réunissait autour de Philippe de Chartres, Léon Chancerel, président de la Société d'Histoire du Théâtre, Daniel Sorano, Marcel Giraudet, Robert Monestier, professeur de lettres au lycée Charlemagne, et Pierre Bazin et Daniel Lardreau, élèves de première au lycée Charlemagne. Réalisation, Éléonore Kramer.